Et c'est fini là pour ce soir et pour cette semaine. Merci beaucoup, merci à tous. On passe des super moments avec vous tous les soirs, franchement, sincèrement, oui. Les soirs, on s'éclate vraiment avec vous. Merci de nous suivre aussi sur Twitter avec le hashtag LoveInFun pour tweeter pendant tout le week-end. Vous retrouvez le Facebook là pendant tout le week-end aussi avec des petites photos, des petites vidéos. Il y aura un live tweet aussi jeudi la semaine prochaine, hein, je crois, c'est ça. C'est ça, à 19h sur le site. Ouais, on vous en parlera. Vous pouvez nous poser vos questions et tout ça, ce sera cool. Exactement, rendez-vous lundi soir à partir de 20h. Et Karima, t'avais un truc à dire. Oui, ce week-end, c'est le SIDAction. Alors, il faut vraiment que tout le monde soit concerné par ça. C'est pas éradiqué, il y a toujours ce problème. Alors, vous pouvez faire vos dons en appelant le 110 à partir de demain soir jusqu'à dimanche. Et vous pouvez aussi envoyer un petit SMS, c'est peut-être plus simple pour certains. Il faut envoyer don, D-O-N, au 33-000. Voilà, c'est hyper important, ça me tient à cœur. Et en plus de ça, ça nous tient tous à cœur, surtout dans cette émission. On compte sur vous, allez-y. Ouais. Bonsoir Mickaël. Franchement, bravo. Non, vraiment. Alors, j'ai vu dans les couloirs, tout le monde en parle, que Karel met un mois de salaire au 110. Et moi, franchement, je trouve ça beau. Attends. Qu'est-ce que t'as fait avec Lilou hier soir? J'aime pas m'en vanter. Qu'est-ce que t'as fait avec Lilou hier soir? Juste ma bite. Qu'on l'utilise tout le temps, mais hormis ça, rien. Ah, quand même. Non, mais moi, je les prends pour perso. Tu sais qu'il faut mon autorisation. Ah oui, non, mais je sais. Non, mais t'inquiète pas, je suis déjà servi. Voilà. T'as vu comment il est, Doc, hein? Sans déconner, quoi. Tu peux pas toucher à sa meuf. Ah ouais, mais ça, c'est normal. Attends, c'est normal. Allez, Lou, tu veux dire un truc à ton copain? Ouais, je t'aime, Doc. Oh là là, c'est beau de dire ça. Je crois qu'elle a dit Mickaël. Ça vient. Je trouve ça bien. Bon, bah, bonne soirée à vous, en tout cas. Merci. Bon week-end. Bisous, à lundi. Allez, hop, c'est parti. Salut. On est là jusqu'à 2h. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Oui, Jean-François, plus fort ! Jean-François ! Plus fort ! Jean-François ! Encore ! C'est ta vie, t'es l'orgasme. Alors Chloé, combien mesures-tu ? 1m42. D'accord, quel est ton tour de poitrine ? 85 AA. Pourquoi AA ? Mais parce qu'elle se fout de votre gueule, espèce de mongole. Est-ce que vous êtes con alors ? Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Eh oui, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Et déjà la dernière de la semaine. Putain, c'est passé vite. Oh. Bon, rassurez-vous, on sera de retour lundi. Oh. Oui, alors pas d'émission dimanche, hein, puisque ce sont les Fun Radio DJ Awards. Dimanche que vous retrouverez à partir de 20h. Et puis à partir de 23h, la cérémonie, etc. Vous retrouverez notre ami Adrien. Vous retrouverez Mademoiselle Luna. Vous retrouverez également JB, la star. Oh, qui sera JB en direct de Madrid. Et vous allez voir, il parlera espagnol comme une vache espagnole, justement. Bon, ce soir, on ne change rien. 23h, 2h, on est en direct, évidemment, comme tous les soirs. Le dimanche, 20h, minuit, bien entendu. On va accueillir notre ami Mathieu, qui est le premier ce soir. Salut Mathieu. Salut. Comment vas-tu ? Bon, ça va, ouais. Bon, t'es en forme ? Ouais, ça va. T'as passé une bonne journée ? Non, une journée de merde, en fait. Ah merde, pourquoi t'as fait quoi ? Non, bah rien, c'est rapport, en fait, pourquoi j'ai appelé, en fait. C'est rapport à mon bahut, en fait, qui nous fait chier à propos de la façon dont on est habillé, en fait. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, alors, on en parle dans quelques minutes, tu restes avec nous, hein, d'accord ? D'accord. Bon, si vous voulez passer l'antenne avec nous, bah justement, vous faites le 01 42 48 5000, et pour la Belgique, le 02 851 4x0, comme d'habitude, et on parlera ensemble de ce que vous voulez. Bon, Sandro a définitivement arrêté le régime, hein, c'est fini, ah, terminé, oui. Abandonné. Quelle honte. De quoi ? Non, j'ai pas abandonné. Non, mauvaise foi. J'ai dit que je commençais demain. Oui. Mais oui, mais t'as déjà dit que tu commençais le 1er avril. Et t'as déjà dit que tu commençais le 1er mars. Alors, et t'as déjà dit que tu commençais le 1er février. C'est pas ça, le 1er janvier, le 1er décembre, le 1er novembre, le 1er octobre. Putain, j'arrive à faire les mois dans l'ensemble. C'est parce que vous m'avez mis la pression. C'est comme beau ça. Attends, ça c'est pour moi. Je veux le mettre pour moi. J'arrive à faire les mois de l'année dans le sens inverse. Bravo, t'es trop fort, Mickaël. Bravo. Sandro arrive à faire les jours de la semaine dans le sens inverse. Commence par dimanche. Dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Pas mal. Pas mal. Bon, donc tu... Vraiment, je vais... Vous m'avez motivé, vous avez réussi à me motiver. Oui. Je te rappelle que demain. Nous, on fait encore ça pendant une semaine, puis on ferme. Hein. Ouais. Voilà, je continuerai après. Hein. Bah oui, bah parce que depuis dimanche dernier, on a trouvé un nouveau régime. Enfin, c'est même pas un régime, c'est un système pour perdre du ventre. Voilà. Donc pas forcément de kilos, mais en tout cas du ventre. On a essayé, faut pas manger de produits laitiers, faut éviter évidemment tout ce qui est alcool, éviter les boissons gazeuses, éviter, qu'est-ce qu'il y a d'autre, boire de l'eau. Ouais, produits laitiers. Ouais, produits laitiers, j'ai dit. manger des ananas, par exemple. De la mangue. De la mangue également. Manger aussi, manger des fibres, éviter le pain, etc., etc. Donc c'est ce qu'on fait depuis à peu près une semaine, depuis lundi en fait, depuis 5 jours. Et donc pour l'instant ça va, moi je suis le mieux en termes de descente de tour de taille. J'ai perdu 2 cm, ce qui est quand même improbable. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Polo Toff il stagne. Polo il est un peu monté puis il est revenu à la case départ. Ouais. Et alors Sandro, bon voilà. Alors... Ah, moi j'ai monté. Ah bah monté. Est-ce que ça va être comme une comment on appelle ça, les trucs, les montagnes russes, tu vois, où ça monte, puis ouf. Ouais. Enfin, pour la descente. Là j'ai un peu l'impression que c'est l'Everest quand même. Ah ouais, là c'est l'Everest, ouais. Bon, en tout cas on refera les tours de ventre et tours de taille tout à l'heure. Toff qui est là également en pleine forme. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, pour appeler de nouveaux amis dans quelques minutes. Mais toujours comme toujours d'habitude. Appeler mes amis. Et en plus j'ai une bonne nouvelle, on va de nouveau appeler grâce à notre ami Cameron Diaz. Ah eh oui. Oh là là. Qui a encore une belle idée. Va te faire enculer, sale pédé. Oui, bon, ça c'était un ancien ami, mais enfin bon, il est toujours là évidemment. Je pensais qu'il parlait de Cameron. Non, non, Polo qui est toujours prêt à intervenir avec l'armée des loups en cas de besoin. Armez-vous, l'armée des loups. Stiquez vos assiettes et vos fourchettes. C'est le principal. Je rappelle que les doux sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. C'est ça, moins de 15 ans, ça n'a pas de poils et c'est doux. Exactement, Marjolaine qui est avec nous également. Ça va Marjolaine? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va et toi? Ouais, j'ai pas une voix chelou, arrêtez. Pas eu quoi? J'ai pas une voix chelou, j'ai pas de ma gueule, comment on fait? Non, du tout. Alors déjà, c'est pas du tout notre style, tu devrais le savoir. Non, pas du tout. Et puis de deux, effectivement, t'as pas du tout une voix chelou, tu vois. Ouais, non. Pas du tout. Bon, Marjolaine, tu es là pour gagner le dernier smartphone, l'Arcos 45 Platinium avec Android, double carte SIM à l'intérieur. Tu vas même pouvoir, et ça c'est la folie, tu vas même pouvoir tromper ton mec. Mais ça c'est beau. Enfin, tromper certes, mais en tout cas surtout avoir deux numéros de téléphone dans un seul téléphone sans qu'il se doute de quoi que ce soit puisqu'il est double carte SIM, mais ça c'est le principal. Bon, pour le gagner, Marjolaine, il faut que tu poses une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne en donnant la bonne réponse, tu perds, il gagne. S'il ne décroche pas ou qu'il ne donne pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Vas-y Marjolaine. Alors, je suis de tous les genres, je retrace des événements. Je porte une majuscule quand je parle de celle des hommes. Qui suis-je? Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je répète donc, je suis de tous les genres. Je retrace des événements. Je porte une majuscule quand je parle de celle des hommes. Qui suis-je? C'est ça? Oui. Très bien. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël donc au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique en mettant votre réponse. Et dans quelques secondes, je vous la mets sur le Facebook de l'émission également, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez comme ça pouvoir lire la colle et y répondre et même voir le smartphone que je vous offre qui déchire tout d'ailleurs. Tu as envie d'écouter un truc en particulier ce soir ou pas toi Marjolaine? J'aime bien Addicted to You. Addicted to You. Qui chante ça? Addicted. Bien. I'm addicted to you. Voilà. Bon ben je te le mets dans quelques minutes. Enfin dans quelques minutes, je m'emballe un peu, mais je te le mets ce soir en tout cas, quoi qu'il arrive. Et toi Mathieu, t'as envie d'écouter un truc en particulier? David Guetta. David Guetta, alors ça je peux te le mettre avant 10h. Avant 10h. Avant minuit. Voilà, David Guetta, le nouveau avec Showtech qui est bad, c'est ce que tu voulais. Parfait. Ah bah reste avec nous, reste jusqu'à minuit, de toute façon je te le mets avant. Il n'y a aucun problème. Et si vous aussi vous avez envie d'écouter un son en particulier, eh ben demandez, il n'y a aucun souci aussi, je vous passe ce que vous voulez, vous demandez avec le hashtag et Mickaël. Il y a fan de Fun Radio sur le Twitter qui dit je suis sûr que le régime fait rétrécir le tour de taille de bite de Toff. il est déjà tellement petit. Ouais. Xavier également, salut toute l'équipe, heureux d'être avec vous, la team, vous êtes excellent. Merci beaucoup Xavier. Et puis il y a Léa également qui dit bonsoir. Et salut Léa, il y a la friterie Alba aussi qui dit salut Mickaël, laisse-la, elle fera régime après le 20. Oui, il vaut mieux parce que je rappelle que le 20 nous ferons l'émission en direct de Charleroi. On sera dans la friterie Alba. Si vous le connaissez la friterie Alba, tant mieux, continuez à y aller. Et puis si vous connaissez pas, vous allez pouvoir venir nous rejoindre. On vous mettra évidemment la semaine avant d'y aller l'adresse, etc., etc. Donc friterie Alba à Charleroi. Donc si vous êtes sur Mons, la Louvière, si vous êtes même sur Bruxelles, c'est pas très loin. Si vous êtes aussi sur Dour, même si vous êtes sur Lille, Valenciennes, Charleville-Mézières, exactement, ouais, tout à fait. Vous pouvez évidemment venir nous rejoindre, toutes les villes frontalières, évidemment, la Belgique, puisque Charleroi, c'est pas très très loin, donc on vous attend évidemment nombreux et nombreuses, et même si vous êtes sur tournée, vous pouvez venir, bien sûr, vous pourrez venir. Je rappelle le principe, on fait l'émission dans une friterie à Charleroi, Toff fera la cuisine, Polo fera la service, salle, donc le service, et puis moi je serai à la caisse et aux commandes. Ah, autant vous dire que ça va pas aller du tout, ça va bien se passer, quoi, hein, ça va pas être de tourpeau pour l'équipe. Oui, mais oui. oui. Il y a Yann qui demandait si on pouvait mettre un petit Rebel également là. Pas de problème, je te le mets sur le prochain titre, tiens, juste après la pub là. Rebel avec Black Pearl, je te le cale dans quelques minutes, Yann, sans problème, ça a été demandé sur le Facebook. Et Agathe qui dit également, salut l'équipe, existe-t-il une réponse à cette question? Est-ce que le coup de foudre existe? Parce qu'aujourd'hui dans le bus, j'ai regardé un mec une fois parce qu'il était beau gosse, et là, le cœur qui bat à fond, frisson, chaud au cœur, heureuse, sensation trop bizarre, et je n'ai pas d'habitude quand je regarde un autre beau gosse. Bah oui, ça existe, c'est ce qu'on appelle effectivement le coup de foudre. Tu as été victime du coup de foudre. J'espère que tu as été lui parler, au moins que tu le connais un minimum, que tu puisses. Pardon, bon, moi, c'est moi qui ai fait de la merde. J'en mérite une, hein. Hop là. Voilà. Mais oui, mais il y a un moment, c'est normal, elle tombe chez moi aussi. Donc j'espère au moins que tu vas pouvoir aller lui reparler, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que tu as pris ses coordonnées ou au moins son numéro de téléphone. Bon, alors Mathieu. Yes. C'est quoi ton problème au bahut, dis-moi en quelques mots là. En fait, depuis le début de l'année, en fait, ils nous font chier pour les fringues. Et c'est de pire en pire, en fait. À l'origine, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit aux casquettes. Ouais. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit au bonnet, on n'a pas le droit, enfin, genre tout ce que tu te mets sur la tête, quoi, t'as pas le droit. Ouais, non mais t'as honte du bahut. Ouais. Non mais t'as en même temps, droit, c'est normal. Dans n'importe quel bahut, tu peux pas mettre de casquette, de bonnet, tout ça. D'accord, non mais t'as pas le droit. Après t-shirt, t'as pas le droit. Ah il bon faut, il faut quelque chose avec avec un col, quoi, en fait. Faut un polo ou une chemise. Ouais, mais c'est un bahut. Ouais, c'est un uniforme. Non, il n'y a pas d'uniforme, non, quand même pas. Bah, il devrait, hein, parce qu'à force de tout interdire et de dire que tu dois venir avec une chemise, un costard et des mocassins, bon, je veux dire, il y a un moment, c'est ce qu'on appelle un costume, hein, il y a un uniforme. Ouais, non, mais alors, ouais, non, en fait, ils interdisent des trucs, mais ils disent pas ce qu'il faut mettre. D'accord. Et là, c'est de pire en pire, et ils nous font chier vraiment pour tout, là, maintenant, et moi, je me suis pris une punition, enfin, c'est la deuxième fois, parce que j'avais un jean trop large et tout. En fait, moi, je suis pour l'uniforme. Ouais, en fait, ouais. Non, mais moi, je trouve que l'uniforme, c'est vachement bien parce que ça casse le, tu sais, les différences entre les gens. Ça casse la. C'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Où tu peux. Bon, alors, attends, on va en parler dans quelques minutes. Pour l'instant, on est à 6. En fait, moi, je trouve six, ça bien. Six, en fait, ouais, voilà. Bon, alors, reste avec nous, Mathieu. Vous aussi, dites-nous, tiens, si vous avez été dans un bahut où il y a l'uniforme et qu'est-ce que vous en avez pensé, ou au contraire, si vous êtes au bahut, il y a l'uniforme, qu'est-ce que vous en pensez, et vous aimez, vous n'aimez pas, et appelez-nous et on en parlera, en fait, juste après Rebel. Bah ouais, en fait. Voilà. Allez, on fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez là. On va revenir avec toi, Mathieu. On va revenir avec Marjolaine et la colle. Avec vous toutes et vous tous en direct dans l'émission. Et puis il y a le classement des animateurs détestés par les Français qui est tombé. Ah oui. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis pas dedans. Ça fait plaisir quand même, hein, de voir quand même un tout petit peu quand même, hein, ce qui est bizarre. Oui, en fait, mais les gens t'aiment, Mickaël. C'est Kotov n'y soit pas. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Eh ouais. Donc, dans les animateurs détestés, il y a Laurent Ruquier, 17%. Ah oui, quand même. Est-ce que t'aimes bien Laurent Ruquier, Mathieu, toi? Laurent Ruquier, non, quoi. Enfin, même pas. T'en fous. Ouais, je calcule même pas, quoi. Est-ce que t'aimes bien Arthur ou t'aimes pas Arthur? Pas trop. D'accord, bah il est deuxième. Et alors en numéro 1, la meuf la plus détestée du paysage audiovisuel est Enora Malagré. Ouais. Voilà, alors pour visualiser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite blonde roquet également qu'il y a chez Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste. Ouais. Touche pas à mon poste. Faut qu'il gueule pour un oui ou pour un non, et surtout le fin. Elle fait aussi derrière le poste, mais il n'y a personne qui l'a vu. Oui, mais justement, ouais. Donc, et toi, t'aimes bien ou pas Enora? Je parle pas physiquement, hein. Physiquement je la baise. Non, mais pas physiquement, je parle du fait qu'elle râle tout le temps pour un oui ou pour un non. Ouais, non, en fait, elle gueule tout le temps genre tu comprends pas pourquoi et tout. D'accord, ok. Tu crois qu'elle gueule quand elle fait l'amour? Ah bah écoute, je suppose, j'espère pour son mec. Ouais, c'est mauvais, c'est fait, sans rien. C'est de la merde, t'es mauvais. Je comprends même pas pourquoi tu baises. Bon, reste avec nous Mathieu, et puis donnez-nous vos classements également là. Quel est l'animateur que vous préférez ou détestez, et quelle est l'animatrice que vous préférez ou détestez? Je vous mets la petite question sur le Facebook de l'émission maintenant, et puis on en parle dans quelques instants. Voilà. On écoutera aussi Rebel avec Black Pearl, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio juste après ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec Fredes34, qui dit l'animateur que je préfère, c'est Mickaël sans étudier. Oh merci Fredes34. Et fan de Fun Radio qui dit je déteste Passepartout qui anime Fort Boyard, il est pas de taille, je trouve. Allez, continuez à donner vos avis sur les animateurs que vous préférez et ceux que vous détestez sur le Facebook et le Twitter. Je vous ai mis le post, allez y répondre et je lis ça après Rebel et Black Pearl sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est évidemment en direct sur Fun. Il est 23h19 avec dans quelques minutes le son de Rot 94. On va chiller pendant que Toff va. Oh, depuis qu'on fait ce régime, moi j'ai des trucs au bide là. Ouais. Ah, bah ça nettoie. Oh bah ça nettoie. Hein. Oh, bah, ah, je peux te dire que ça nettoie. Hein. Alors là, comme un pote. Ah non mais c'est un truc d'une violence. D'ailleurs on va faire le tour de taille également dans quelques minutes sur Fun Radio. D'ailleurs j'espère qu'on a le maître ruban là où on va le chercher après. On va le chercher après. Il y a Beauté d'Orient qui dit, puisque je vous posais la question de savoir quel était votre animateur ou animatrice préférée et ou détestée évidemment. Beauté d'Orient qui dit mon animateur préféré c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. I love you. Et bien oh bah c'est gentil Beauté d'Orient. Kevin également, moi j'aime bien Vincent Lagaffe. Il y a Romain qui dit mon animateur préféré c'est toi Mickaël, je vous adore. C'est gentil Romain. Mais on parlait d'animateur télé surtout. Hein. Oui. Y a animatrice télé. Il y a Eric également qui dit Coé, j'ai jamais pu l'encadrer celui-là, il est d'une lourdeur. Mais non, oh, il est cool en plus. Mais d'ailleurs ouais. Merci, je l'avais pas remercié de m'avoir payé à bouffer la dernière fois. Effectivement, il a enfin payé ce qu'il devait payer. Et ça c'est le beau, repas ça, c'est il y a quelques beau. Années. Donc merci Coé. Il y a Hancock aussi qui dit moi je déteste Toff. Et j'aime Gad Elmaleh. Non, et j'aime Gad Elmaleh parce que moi aussi je rêve d'une banque. Dédé qui dit le présentateur que j'aime pas c'est Nagui. Et Yann également qui dit j'ai contrôle d'anglais demain et j'hésite, soit je fais mes devoirs, soit je vous écoute, je fais quoi? Bah fais les deux en même temps. Ouais, au pire t'auras un devoir pas très bien fait, mais au moins t'auras voilà. fait quelque chose. Non mais c'est ça exactement, moi t'auras fait un truc, un minimum quoi. Bon il y a des messages aussi, c'est l'animateur que je préfère, c'est vous, c'est Laura, merci beaucoup. Et Let's Be Freaks, le retour. Ah, c'est des Let's Be Freaks. Animateur non. que je préfère, Mickaël, Toff, Polo, Sandro. Animateur que je déteste, Enora, Nagui et Reichmann. Et alors Julien également, c'est Alexandre Ruiz, meilleur animateur pour moi devant Cyril Hanouna et Bruno. Bah oui, Alexandre Ruiz, c'est celui sur Bein, sur Beansport, ouais. Tout le monde doit pas le voir, quoi. Tout le monde doit pas le voir, effectivement. Faut être fan de sport, quoi, accessoirement. Et puis Léa également, la portugaise, qui dit celui que je peux pas voir comme animateur, c'est Stéphane Bern. Ah, il faut aimer, hein. C'est une animation, effectivement, un peu particulière. Donc, continuez à donner vos avis. Les préférés, il y a Julie, Andrieux et Michel Simès, 44% quand même, c'est pas mal. Frédéric Lopez et Jean-Luc Reichmann avec 44% aussi. Et puis Stéphane Plaza, l'animateur préféré des Français, 46%. Ouais. En même temps, c'est normal, on le voit partout. Mais oui, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on le voit dans la pub pour vendre des trucs, on le voit à la télé, il vend des maisons, il loue des maisons, il trouve des apparts, il répare les maisons, il répare les apparts. Il dit qu'il aime les pipes. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est la folie, il adore. Donc voilà, si vous voulez donner vos avis, n'hésitez pas à venir nous dire les animateurs et les animatrices que vous détestez et ceux que vous aimez. Donc, facebook.com/mikaelofficiel ou sur le Twitter avec le hashtag Mikael, bien entendu. Et comme on parlait d'internet également, je rappelle qu'il y a toujours la vidéo hein, qui marche de mieux en mieux d'ailleurs. Oh merci là beaucoup. Là, oui, ça monte. 20 000 déjà en quelques jours. Allez voir la vidéo où on teste ce que Adèle, un auditeur, nous avait demandé de tester. C'est-à-dire qu'il était arrivé à l'antenne en faisant le malin, hein, en disant oui, moi avec trois questions, j'arrive à emballer des meufs. On a essayé. Et comme on faisait. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir, évidemment. Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ouais. Et le meilleur, c'est la fin. Oui, le meilleur, c'est la fin. Bout. Enfin, en tout cas, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à faire des vidéos quand on ne paye pas les acteurs ou actrices. Oui. Évidemment, ça arrive, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à arriver à ses fins. Donc, allez voir, hein, je vous invite tout simplement à aller voir ça. Vous tapez Mickaël officiel sur la chaîne YouTube. Et puis, vous suivrez la chaîne YouTube en même temps, comme ça. Hein, vous suivrez la chaîne YouTube de l'émission Mickaël oui. officiel. Et puis, elle est sur le Facebook également. Pour les autres, n'hésitez pas. Retour avec. Mathieu, là maintenant, t'es là Mathieu? Mathieu? Mathieu, ouais, ouais. Ah, voilà, là, très bien. Problème. Bon, impeccable. Alors, ton animateur préféré, tu m'as dit que c'était qui toi, Matt? Ben, forcément toi. Oh, oh c'est beau, c'est mignon. Suspide, va, Mathieu. Suceur, va. Et alors, animateur ou animatrice que tu détestes? Je sais pas. Si t'en as. Hein. Ouais, non, j'aime pas Koé. D'accord. D'accord. Et animatrice, je sais pas. D'accord, bon très très bien. Et toi Victorien qui est avec nous là de Héricourt, pardon. Ça ouais, va Victorien? Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ouais tranquille. Bon est-ce qu'il y a un animateur que tu détestes et un que t'aimes? Animateur ou animatrice hein? Ouais c'est De Chavannes que je déteste. D'accord, et celui que t'aimes bien? C'est toi et Prune. Oh merci c'est Victorien beau, c'est beau, oh c'est beau. Gentil. Bon on avait dit surtout sur les animateurs télé évidemment. Mais bon on va quand même prendre les compliments, ils sont là, hein. Bah oui, on dit jamais non. Bah bien sûr. Bon, j'aime Mathieu. J'aime bien Ardisson. Ardisson, ouais, ouais c'est vrai. J'aime bien. Il est cool et puis il est marrant. Ouais, c'est vrai, Ardisson, c'est pas mal, effectivement, ouais, pourquoi pas. Bon, ouais. Moi je vais réfléchir, parce que c'est vrai que je suis pas très télé, donc je vais réfléchir à qui j'aime bien et qui j'aime pas. Ah, celui que j'aimais pas, celui qui faisait. Merde, comment on appelle ça encore ? L'amour est aveugle, le blond là. Oh là là, oui, qu'est-ce qu'il était mauvais. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2-3 ans, même 4 peut-être, mais qu'est-ce qu'il était mauvais. Ah oui. Oh, il était d'une médiocrité, c'était quand même assez exceptionnel. Bon, enfin bon. Bon, alors Victorien, toi tu voulais réagir par rapport à Mathieu qui râlait parce que au bahut il pouvait pas mettre ce qu'il voulait comme fringue, il pouvait pas mettre de pantalon large, il peut pas mettre de casquette, il peut pas mettre de bonnet, il peut pas mettre de pull, il peut pas mettre de t-shirt, il peut rien mettre quoi. Et pourtant. Ah, pull tu peux, ouais. Mais ça dépend lequel. Si tu mets un pull avec marqué le slogan de David Guetta, la fuck me I'm famous, je suis pas sûr que ça passe. Oui, bon, je suis pas sûr non plus, ouais. Surtout encore d'anglais. Bon, et toi Victorien, comment ça se passe dans ton bahut? Bah nous les filles quand elles mettent des jupes, c'est un truc de ouf, hein. Il y a cette qui vient qui gueule une heure de colle, le carnet. C'est un truc de ouais. Ah, bah, moi j'en ai pris 3 quoi. Pourquoi? Bah parce que mon jean était trop large. Ah ouais, putain, mais vous êtes dans des bahuts, ils mettent pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent pas un uniforme, tu vois, si tu peux rien mettre. Ouais, j'ai pris 3 et le règlement a copié 100 fois, quoi. Là, oh là là, bon, moi, tu le connais maintenant. Bon, je suis en train de le copier. Ah, t'es en train, là? Tu l'as, ouais. Tu l'as recopié pour quand? Bon, je l'ai copié pour lundi. Et c'est super long, c'est la fait en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est une, quoi. C'est combien? En fait, c'est 8 pages. Calculé. Ouais, non, ça fait, en fait, j'ai calculé, ça fait, j'en mets 4 par page, donc ça fait 16 par feuille double. Donc, en fait, ça fait 6 feuilles doubles, et, ouais, 6 feuilles doubles, juste un petit peu plus de 6 feuilles doubles, quoi. Ah oui, tu mets 1 heure par feuille double, quoi, en gros. Ah ouais, quand même, effectivement. Et ouais. Puis, un bon courage. Ah bah, bon courage à toi, hein, on va pas te déranger plus longtemps, parce que t'as beaucoup de travail, Victorien. Ouais, non, c'est Mathieu. Ah oui, c'est Mathieu qui parlait, pardon, je croyais que c'était Victorien qui réagissait. Eh, Vic, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Ah bon, d'accord. Et du coup, là, dans ton bahut, là, tu nous as pas dit comment ça se passait? Bah si, avec les filles quand elles mettent des jupes. Ouais, non, mais d'accord. Mais après, c'est Victorien qui a répondu à les questions et je pensais que c'est... J'ai pas fait le changement rapprochement. De voix. J'ai pas fait le changement de voix, effectivement. Ouais. Et donc, toi, tu dis, quand t'as fait le... Quand t'as fait... Toi, t'as pris des heures déjà aussi ou pas? Non, moi, j'en ai pas pris. Enfin, nous, en fait, c'est les gars, quand ils ont des pantalons et qu'on a le caleçon. Bah voilà. En fait, ils doivent se traîner une blouse. Pendant toute la journée, une vieille blouse toute dégueulasse pendant toute la journée. Oh, c'est rien. Mais on est où là? C'est ouf. Mais je préfère ça qu'une punition. Non, moi aussi. Ouais, mais que ça nous tape bien la honte et du coup on recommence plus quoi. Ah oui, bah j'imagine, ouais, c'est clair. Bon, bah merci Victoria en tout cas d'avoir appelé. Hein. Bah de rien, merci à vous. Et tu reviens quand tu veux, hein, Vic. Hein. Okay. À bientôt. Hein. Bye. T'as prévenu tes potes que t'étais à la radio ce soir? Non. Ah bah il fallait, mais alors bah, Victoria, comment ça se fait là? Ils sont tous couchés à cette heure-là. Oh, mais il faut les réveiller là, Victoria. Bah, ouais, tu les appelles. Viens, on les appelle, on les réveille c'est tous. C'est pas sérieux, ouais. T'as des numéros, on va les réveiller, tu vas voir. Ok, vas-y. Attends, bah reste là. Sandro va reprendre les numéros de téléphone. Attends, l'autre 2-3, on va les appeler en même temps, tu vas voir. Ça veut dire quoi ça? Bon, et Mathieu, il y a Elmar également qui est avec nous, Damien là. Salut Mathieu. Salut Elmar, décidément. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Oh, très bien, merci. Bon, très bien, Elmar. Bon, alors, t'as 22 ans, t'appelles Damien, toi. Tu voulais réagir à Mathieu également par rapport aux fringues dans les bahuts. Alors, moi, j'étais dans un endroit, pas de problème, hein, on pouvait mettre ce qu'on voulait, c'était tranquille. Bon, il fallait pas arriver pour les filles avec une jupe à la fouf ou les mecs avec des futs troués, par exemple. Mais tu pouvais arriver avec des pantalons larges, un t-shirt, c'était pas un problème, quoi. Même des shorts sous réserve qui fassent vraiment chaud, quoi. Ah ouais, non, nous justement, nous. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mathieu? Ouais, moi je suis là, ouais. C'est quoi ce bruit qu'il y a eu là, cette espèce de gros bip? C'est un sous-marin, il est dans un sous-marin atomique, vous inquiétez pas, il est en plongée. Tu vas lâcher une bombe ou bien? Ah non, moi j'ai carrément pas bougé, mais j'ai entendu, je sais pas, il y avait quelqu'un qui parlait, et voilà. Ah ouais, bah nous on a entendu un bip, c'est assourdissant. Bon, du coup, Tof, tu disais? Ah oui, non, je disais, on était dans un bahut de chieurs, et donc en fait, il nous avait interdit. T'avais bien trouvé ta place. Ah ouais, non, mais c'est là que j'ai tout appris. Hein. Ah ouais. Et donc il nous avait interdit les shorts, même quand il faisait super chaud, et genre un jour, il y a un mec qui arrivait. Mais tu vois, avec le short, t'es classe quoi. Mais tu ils ont raison. Genre, le short et le pantacourt devraient être interdits par pendaison. Et mais donc, n'importe quoi. Et donc le mec, il est arrivé genre avec Bermuda, mais tu vois, un peu classe, habillé et tout. Et ils l'ont fait retourner chez lui pour mettre un pantalon long. Et le lendemain, on est tous arrivés en short hawaïen. Et on a tous été virés. C'est normal. Ça, c'est bon ça. Bon, Elmar, et c'est quoi ton avis toi par rapport à ça? Il est vraiment dans une usine. Hein. Bah, je sais pas ce qu'il y a chez Mathieu, mais. J'étais dans un lycée hôtelier d'abord, ouais. À Strasbourg. Ouais. Et donc c'était passé à un lycée professionnel, donc là-bas ça nous apprend, moi je suis pour en fait. Et là-bas c'était vraiment bien parce que ça nous donne une conscience professionnelle. Et avant ça j'étais dans un lycée, non dans un collège en Afrique du Sud. Ouais. Et là-bas on était tous en uniforme aussi et L'avantage, c'est que ça, tu vois, c'est-à-dire qu'au moins tu vois pas s'il y a des gosses qui sont plutôt bourrés de fric ou d'autres qui sont plutôt à la rue, tu vois. Tout le monde est habillé pareil, quoi. Chez les Anglais, dans les grands collèges et tout, ils font ça justement, ouais, parce que t'as des gens qui arrivent et ils ont des bourses, et donc du coup, si devaient s'habiller, ils seraient habillés comme des merdes, quoi. Ouais, c'est ça, les mecs, ils arrivent habillés en super grosse marque, et puis il y en a d'autres qui arrivent habillés comme des merdes, quoi. Donc évidemment, ça a le côté positif. Et toi, t'es pour, toi, Edmar? Ouais, parce que. Bah, déjà, c'est simple, le matin, tu te lèves, tu dois même pas réfléchir, tu mets... Facile, le matin. Voilà, c'est ça. Ouais, tu n'as pas de temps à chercher ce que tu vas mettre. D'accord, ok, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Elmar, en tout cas. Allez, tu reviens quand tu veux. À bientôt, Elmar. Ouais. Ciao à toi, tu restes au standard, on va te filer un pack fun. Du coup, on a perdu Victoria, on va l'appeler, tiens, comme par hasard, il a raccroché, il a eu peur de ses potes, ouais. Non, je crois que c'est au standard qu'ils ont fait de la merde. Ah, d'accord, alors on va le rappeler, j'ai rien dit, Victoria. Oh, on va te rappeler dans quelques minutes, vraiment une balance. Moi, je veux pas, mais. Quelle balance de merde. Moi, je veux pas dire, mais. Quelle balance de merde. C'est lui qui a raccroché. Hein. Mais quelle balance de merde. Non, mais moi, je trouve que tu dois sévir, hein, Mickey. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais te supprimer d'antenne pour une minute, tu vas voir. Bon, on parlait de Cameron Diaz tout à l'heure, elle a encore fait une déclaration qu'on adore dans l'équipe. D'après elle, toutes les femmes ont des tendances lesbiennes. Mais oui, je suis d'accord. Donc déjà, venez nous dire les filles si vous avez déjà été attirées par d'autres filles. Et puis bah du coup, on va appeler des gens pour leur poser la question. Mais allons-y. On fait ça dans quelques minutes, hein, le temps que vous nous envoyez des numéros de téléphone sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Et puis bah si vous voulez donner vos avis justement, est-ce que vous avez déjà tenté d'aller voir une autre fille, les filles, et bien vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. Tiens, il y a Jérémy sur le Twitter qui dit faut avouer que Patrick Sébastien il pue la merde. Merci pour vos messages. On parle encore des animateurs préférés et détestés maintenant. facebook.com/mikaelofficiel. On écoute Route 94. Le son Route 94 sur Fun. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et il y a Devers45 qui a envoyé son message comme tous les soirs. Hein. Devers45 qui dit les morts de rire, les mecs, c'est quoi? Attends, c'est quoi? C'est quoi vos bahuts où faut. C'est quoi vos bahuts où il faut que vous portiez tous les mêmes vêtements? Ça craint trop, morts de rire. Perso, moi, j'ai pas ce problème. Et bah, t'as plutôt de la chance. Et puis, allez voir Loan34 sur le Twitter. Elle a mis une photo, les enfants. Vous allez être contents. Ah oui? En nuisette. Oh là là. Où elle dit qu'elle va dormir et qu'elle a pas de dédicace. Merde. Voilà Loan 34, t'as une dédicace maintenant, la bonne nuit Loan. Et Tof, tu restes calme, hein. Tu gardes tout dans le pantalon et tu restes pépé. Hein. Merde, je la vois pas. Je suis toujours très calme. Ah, attends, mais je vais vous la montrer parce que moi je l'ai là. Ah, regardez, attends, mais faut venir ici, je peux pas lever mon ordi là. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais, il y a du monde au balcon. Attends. Bah, du monde, je sais pas, mais bon. Bon, bah voilà, Loan 34 à ta dédicace. Et puis un message qui dit mes animateurs préférés sont Yann Barthès, Stéphane Rottenberg et Mickaël. Et ceux que je déteste sont ceux d'Energie 12. Bon, après, tu peux pas généraliser non plus, hein, mais bon, après, c'est ton avis. Et Roms qui dit, moi, j'ai prévenu tout mon lycée qu'il y a enfin un truc le soir de 23h à 2h sur Fun Radio. Cool, Roms. Bah, merci heureux. Beaucoup. Ça, c'est gentil. Bon, on va appeler tes potes, là, dans quelques minutes, là. Victoria, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, on va les appeler pour les prévenir qu'il y a un truc à écouter le soir à la radio. D'ailleurs, si vous voulez qu'on appelle vos potes, à vous appeler au standard et puis on les appelle même jusqu'à 2h du mat, juste pour les prévenir. On leur laissera un message sur le répondeur s'il faut, mais c'est pas grave. Hein. On va les appeler et les prévenir qu'il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Bon, on appelle qui, du coup, Victoria, en premier, là? On appelle... Allez, Florent. Allez, Florian. Allez. C'est Florent ou Florian? Florent, d'accord, ok, très bien. Tu lui parles ou je lui parle? Comme tu veux. Non, parle-lui, comme ça il va t'insulter, à mon avis. Mais tu me réveilles pour ça, connard. On met une sonnerie, puis tu dis il y a enfin quelque chose à écouter le soir. Voilà. Sur Fun Radio. Allez, Mickaël, Olivier. Vas-y. Bon, et s'il décroche pas, tu laisses son répondeur. Ok, pas de soucis. Allô. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange. Oh là là là là. Florent. Veuillez laisser votre message. Oh, il a une petite voix de doux. Ouais, c'est quoi? Il y a enfin quelque chose à écouter à la radio. C'est Mickaël sur Fun Radio. Ouais, ça c'est bon ça. Bon, Flo, on est très déçus, hein. T'es en direct sur Fun Radio, puis on appelle les potes là de Victorien là pour les prévenir qu'il se passe enfin un truc à la radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et donc on espérait que tu puisses venir dans la communauté. Bon bah malheureusement t'as pas décroché. Eh bah tant pis, c'est pas grave. Bon bah à bientôt quand même en tout cas. Salut à toi Flo, bonne journée demain et puis bon week-end à toi aussi. Bon alors Victorien, on appelle Marine du coup maintenant. Ouais. Bon allez c'est parti, quel âge est la Marine? Elle a 14 ans. T'as envie de la pêcher ou pas? Non. Non? Non, elle a déjà un mec. Ah, elle a déjà un mec. Merde. Bon, vas-y, même pas, on fait pareil. Il y a Roms qui dit vont être fous, ses potes. Oh. Ah ouais, mais je crois qu'elle a pas envie de lui parler. Ah merde, putain, elle a raccroché au lit donc, Victoria. On la rappelle. Attends, on va la rappeler. C'est quoi ça? Ah oui, je croyais qu'elle avait décroché, je me dis, mais pourquoi elle parle pas? Bon, attends, on la rappelle. Un petit message de bienvenue pour moi et Tony le Panini. Bien sûr, avec plaisir. Je te mets de la cible dans ton cul, moi. Voilà. Et Laurence qui dit, demain j'ai pas cours donc je vous écoute toute la soirée. Cool, Laurence, ça fait plaisir. Quel est au moins le répondeur? Ah oui. Oh, lui, c'est un petit message. Paix, d'amour. Allez. Bonjour, voilà. Vous êtes sur le répondeur énergie mobile de... du 0761. Ah, on va pas laisser le numéro de téléphone, évidemment. Bah, allez, si, hop, tout le monde l'appelle parti. Pour lui dire qu'il y a quelque chose à la radio. Message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Et enfin, quelque chose à écouter à la radio, c'est Mickaël sur son radio. Ouais, hey, Victoria, toi tu préfères, tu dis pas quitter toi. Non, ils s'en foutent. Ah, bah, ils s'en branlent. Ah bah oui, bah bon, après, si jamais elle te reconnaît pas, là. Bon, bah salut Marine. Bon, on essaie de t'appeler, t'étais en direct sur Fun Radio, là, pour te dire justement qu'il y avait un truc à la écouter le soir à la radio et que c'était sur Fun Radio que ça se passait. On espérait que tu fasses partie de la communauté. Bon, bah tant pis, tu dors, c'est pas grave, on est là tous les soirs de 23h à 2h et le dimanche, sauf celui-là, là, de 20h à minuit. Bon, j'espère que tu repasseras, Marine. Je te fais des gros bisous, bon week-end et puis bon courage demain matin, là. Salut à toi, Marine. Bon, bah Victoria, au moins il y en a deux qui sont prévenus maintenant, hein. Vous avez vu ce qu'il faut faire maintenant, là, comme ça, au moins on vous a montré. Bon. Voilà, vous appelez tout votre répertoire. Voilà, bon Victorien, on va te filer un pack fun quand même. Tu vas retourner chez Sandro, d'accord? Ok, bye. Salut Vic, bonne journée demain, à bientôt. Pareillement. Ciao à toi, bye bye. Retour avec Adrien dans quelques minutes et Teddy pour parler des animateurs préférés et ou détestés justement, hein. On lira encore tous vos messages qui arrivent par tonne ce soir sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission. Mais avant cela, comme Cameron Diaz, c'est dur de les enchaîner, a encore fait une déclaration qu'on adore justement. Elle a dit que toutes les femmes ont des tendances lesbiennes. Oui, elles aiment ça. Voilà. Elles aiment ça, se brouter le minou. Exactement. Donc déjà, venez nous dire les filles si vous êtes attirées par les filles, hein, si vous avez déjà tenté un petit brout de minou par exemple. Un petit rapprochement. Ou, un petit rapprochement simplement. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis là, on va appeler justement quelqu'un, numéro de téléphone que nous avons reçu sur le mail de Tof, top@funradio.fr, de gens très sympathiques. J'espère aussi sympathiques que celui-là. Va te faire enculer, sale pédé. Voilà. Donc, on y va, on les appelle maintenant et puis tu vas leur demander si leur femme a déjà eu une relation homosexuelle. Oui, c'est ça, si elle a déjà pensé avoir une relation. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Va te faire enculer, sale pédé. Allez. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait déjà eu des tendances homosexuelles. Qui? Votre femme, monsieur. Et votre mère est homosexuelle? Je vois pas le rapport, monsieur, c'est pas du tout. Écoute-moi bien. Oui, c'est qui? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Tof? C'est moi, je t'encule ta mère, ta Tof. Ok, fils de pute. Ça va? Mais enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Ma femme est des tendances homosexuelles? Fils de pute, ta mère est des tendances homosexuelles? Écoute-moi bien, gros bâtard. T'es qui, fils de pute? Tu m'appelles Tof. Je m'appelle Tof. Oui. Je t'encule toi, la Tof. Mais pourquoi? T'es qui, fils de pute? Bah, je suis Tof, monsieur. La fils de pute. Mais pas du tout. La fils de pute. Oh, j'hallucine. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? T'es qui? Bah, je suis Tof. Tof, je t'encule ta mère, moi. T'es qui, ta fille, fils de pute? Mais pourquoi vous dites tout ça, monsieur? Dis-moi, ma femme est des tendances homosexuelles. Attends, mais attends. T'es qui, fils de pute? Excuse-moi, c'est moi, Tof. Moi, je suis Tof, monsieur. Écoute-moi bien, bâtard. Mais... je dis numéro parce que je nique toi ta mère, t'es mort. Même les morts, c'est quoi, c'est les états se faire ronger à nos états morts, fils de pute. Nique ta mère, coupe. Je vis sur le nom, fils de pute. Oui, mais vous avez pas répondu. Fils de pute, Tof, t'as une cacouille, viens, où tu veux quand tu veux. Écoute-moi bien, t'as fils de pute. Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? T'as fils de pute, comment tu m'appelles? Ma femme est trans homosexuelle? Ben, je sais pas, ta mère, je l'ai niqué ce matin. Fils de pute, ta mère, j'ai quitté ce matin. Pose tes couilles, gros. On se voit où? Mais je sais pas pourquoi vous voulez qu'on se voit, monsieur. Je vous donne mon adresse, si vous voulez. Vas-y, donne-moi ton adresse. Alors, c'est 20. Tiens. Où? 20. 20, c'est 20. Le numéro, hein. C'est le numéro de la maison. T'es mort? Non, rue Bayard. Alors, oui, Bayard. Je suis enculé, fils de pute. T'as mon numéro, tu sais, j'habite. C'est qui je suis. Je m'appelle, bâtard. Tu vas te dire ma femme homosexuelle? C'est ta mère, et quoi? C'est quoi, je te mange tes morts, moi? Oui, j'ai compris, monsieur. Elle qui est ta mère? Oui, je sais. Ah, il est sympathique celui-là. Allez, raccrochez. Eh, il est sympathique lui, hein. Ouais, non, il est. Ah, il est bon esprit, il est bon esprit. Ah, très gentil. Bon, on va le rappeler, attends. Tu l'es pas là. Hop là. Allez, hop, c'est reparti. N'arrive pas tous les jours. Oh là là. Oui, à moins dit 15 fois fille de pute, je pense. Ouais. Allez. Ouais. Écoute, oui. Gros, tu crois que quand je suis passé par mon ami, coupe-moi bien, grosse tapette de merde, et fils de pute que tu es. T'as une paire de couilles, tu m'en parles, qu'est-ce qu'on sait? Viens me voir. T'as mon numéro de téléphone, toi, non? Bah oui. Viens pas, gros. Mais écoute, gros, oh, t'as une paire de couilles, t'es un homme ou t'es un homosexuel, toi? Qui t'a enculé? Comme t'as l'air peut-être un homme. Mais oh. Je vois pas le rapport, monsieur. Écoute-moi bien, fils de pute. T'es écouté combien de temps encore? Moi, je veux pas vous casser. Écoute-moi bien, connard. C'est quoi? Tu sais pas, monsieur flic. Donc, c'est quoi? Même nuit au pré, fils de pute, je vais te lever demain matin. Et toi, tu crois? Tu as fini au Mirabel Jeunesse? Je connais Mirabel Jeunesse, bâtard. Ouais. Tu sais, ton arbre, et tant qu'il n'y a pas de pute, tu as sucé. Mais je vais te casser les couilles, moi, PD. Non, mais par contre. Prenez-moi, pour ces coups, je viens de dire, Henri, tu me dois. Viens me dire ce que je dois, PD. Ouais. Ouais, je fais que ça de t'écouter depuis 2 minutes hein, pour dire de la merde. Bah, donc... Oh ta gueule, tu vas faire pourquoi toi? Pourquoi tu vas faire casser les couilles pour m'énerver? Bah non. Pas possible, non, vas-y, t'es où? Moi je suis 20. T'es où? 20. T'es où? T'es chez moi? Non, note, prends. Ta mère, non, attends, j'ai posé. Envoie ton numéro. Où? Appelle-moi. Moi je suis 20. Appelle pas masqué. On s'en fout ton adresse. Ton masqué, j'ai découvert. Bah alors, pas mon adresse si tu t'en fous. Non, rappelle. Elle a l'adresse de quoi? Brignet? Où j'ai posé ta mère, SP1? Ouais. C'est bon, j'ai posé la vraie, j'ai posé ta mère, Fata. Écoute-moi bien, je raccroche. Écoute-moi bien. Ouais. Je raccroche. Ouais. Si tu me rappelles demain, c'est quoi, je viens ton cul. Mais de toute façon, je vais. Me chauffe pas, je vais te rappeler. Mange ta mère, mange ton père, mange tes morts. Ok? Nique ta mère, qu'elle se rend plus les couilles. D'accord, mais. Oublie ce numéro. J'arrête de perdre temps avec ta bata comme toi. Putain, il est bon lui, hein. Oh, il est bon lui. Allez, on a quand même mange ta mère. Mange ta mère. Il y a Hugo Réo qui dit, il a inventé un nouveau jeu, le nouveau jeu fils de pute. C'est vrai, on devrait faire ça le jeudi dorénavant, tiens, pourquoi pas. Bon, on va encore l'appeler, mais je propose qu'on mette un peu de pub et on revient après. Ah, d'accord. Mais alors, en speed, hein, on revient dans 30 secondes, à bouger pas, et on le rappelle justement, l'hystérique, là, juste après. Restez sur Fun Radio, je vous cale aussi, comme promis, le son de David Guetta. Ça avait été demandé de la David Guetta avec Bad. Je vous le casse. Je vous le passe dans quelques minutes sur Fun. Fils de pute. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, il y a Julien sur le Facebook. J'étais tellement pété de rire là, juste avant la pub avec l'appel, que j'ai eu mal au cœur. En plus, on comprenait moitié de ce qu'il disait. Ah oui, on comprenait rien, hein, ouais. De ce qu'il disait, tellement il s'énervait. Il y a Romès également, tellement c'était marrant, j'en ai pleuré de rire. Léa également qui dit mange ta mère, mais quelle violence. C'est toujours nul aussi comme expression. Ness également qui dit on l'arrête plus là, qu'est-ce qu'il parle, ou plutôt qu'est-ce qu'il insulte. Il y a Lucas qui dit ah oui, ça c'était par rapport aux animateurs. Bon, on en parle dans quelques minutes des animateurs préférés et détestés, animateurs ou animatrices. Et puis on va rappeler notre ami. Allez hop, on l'a appelé juste avant la pub là, puis on n'a pas eu le temps d'appeler la suite. Bon, j'imagine qu'en quelques minutes là, il s'est un peu calmé. J'espère. Bah j'espère. Allez, c'est parti. On le rappelle pour lui demander si sa femme est lesbienne ou enfin a déjà eu des tendances lesbiennes ou pas. Oui. Allez, c'est parti. On retourne chez Monsieur le Dingue. Puis on aura le canular aussi, hein, comme tous les jeudis. Bonjour. Oui, non, parce que tu m'as demandé de te rappeler, je te rappelle. T'écoutes? Oui, je t'écoute. Continue, voilà, je suis dans comme ça, je vais poser le portable, bouge pas. Ouais. Demain, je viens te chercher, je t'enculer. Toi, ta mère, hein, c'est déjà fait. Ouais, mais tu viens me chercher où? Parce que... Ah, il a raccroché, c'est con ça. T'as vu, il a pas l'adresse. T'as vu, il est plus calme. Oui, c'est vrai, hein. Il est un peu redescendu. Ouais, on va le rappeler encore un coup. Il a pas l'adresse. Mais il a pas l'adresse, faut corriger tout ça, évidemment, sinon ils peuvent venir t'enculer. Ouais, tu... Allô? Oui, non, je voulais lui demander s'il voulait pas l'adresse pour venir, parce que là, pour le moment, il a toujours pas l'adresse. Mm-hmm. Non, mais il veut l'adresse ou pas? Ouais, dis-moi. Alors, c'est 20. Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Hein, et c'est à Paris, dans le 8e. Ah, d'accord, bah ça va être un petit peu long quand même, hein. Ah bah, surtout pour lui, parce que bon, a priori, moi, je m'en fous. Ouais, bah ouais, mais en fait, c'est quoi le problème? Enfin, je comprends pas trop. Ah, moi non plus, parce que en fait, je lui demandais juste si sa femme avait eu, déjà eu des expériences homosexuelles. Bah, je suis sa femme, effectivement, j'ai eu des expériences homosexuelles, oui. Eh bah voilà. Et c'est... voilà, c'est bon. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Bon, bah une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. L'office, ce matin avec ta mère. Si, chérie. Et voilà. Non, mais il m'a rappelé, il m'a fait la fête. T'as même pas accroché. Oh, la zoophilie, ce matin avec ta mère, c'est la fête. T'as pas accroché, frère. Il est en 20 minutes. Ah merde, il a coupé. Putain, alors que tu vois la meuf, elle prend déjà elle a une voix plutôt sexy. Non, elle avait l'air sympa la meuf. Elle avait l'air sympa, elle avait une voix. Comment une meuf qui a une voix comme celle-là peut être avec le mec? Ouais, j'encule ta mère, encule ta mère, mange tes morts, je vais t'enculer ta mère, mange ta mère, mange ta mère, je vais enculer ta mère, et tu vois, j'encule ta mère, j'ai déjà fait enculer ta mère. Et lui dit, dis-lui que t'as couché avec sa mère. Non, dis-lui que t'as fait de la zoophilie avec sa mère. Complètement barré le mec. Complètement barré. Bon, on fera l'autre appel tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone à nous envoyer, attention, la barre est haute. Hein. Si vous avez des numéros de téléphone à nous envoyer de gens aussi rock'n'roll que lui, bah n'hésitez pas hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On remet le couvert dans une grosse demi-heure. Il y a Xavier qui dit, il vient de quelle planète celui-là? C'est un fils de pute rien. Il y a Titouleuf4 qui dit aussi, le mec il est trop bon, j'en pleure. Lucas également, mon animateur préféré. C'est Tof et ses potes. Oh, merci. Lucas. It's Benji Beach qui dit, oh bordel, j'en peux plus, je décède de rire. Damien aussi, la grosse barre, la fils de pute, il connaît que ça. Non, bah apparemment il veut aussi j'encule ta mère. Oui, c'est vrai. Il connaissait ça et aussi. Et mange ta mère. Et mange ta mère. DJ Domino aussi, mon animateur préféré, c'est Mickaël. Mais je fais pas de la télé, mais c'est gentil, DJ Domino et tous les autres. Hein. Oui, alors effectivement, il y en a qui vont, il y en a qui disent, ouais, pourquoi tu lis pas mon message? Mais parce qu'on vous demandait les animateurs télé, pas les animateurs radio ou pseudo-animateurs radio. Donc il faut vraiment que ce soit des animateurs ou animatrices. Télé. Hein, télé, voilà, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'on a cité Coé tout à l'heure, mais il fait les deux. Ouais. Radio et télé. Mais là, on voit. Ardisson, de Chavard, Ardisson, etc. La radio et de la télé. Voilà. Et l'animatrice la plus détestée qui fait aussi les deux, enfin qui essaye, c'est Nora aussi, voilà, tu vois, mais on parle vraiment de l'émission télé là. Quoique, enfin bon. Et il y a aussi Abdou qui dit Karine Le Marchand, j'aime bien aussi avec Alex Good, Vincent Lagaffe, Thomas Touroud. Et les gens du Canal Football Club sur Canal évidemment. Yako aussi comme message. Il y a Freestan également, mon endeur préféré, c'est Plaza. Eh ben comme 46% des Français. Malgré que son émission passe en ce moment, je préfère écouter. Oh c'est gentil Freestan, mais en même temps sois rassuré, si elle passe en ce moment, elle passera encore au moins 10 fois. Ouais, ah, sois tranquille. Et puis la maison à vendre et tout le bordel, c'est aussi tous les dimanches. Hein. Oui. Et c'est le dimanche, plus c'est les le dimanche, plus les nuits, plus ouais. Le samedi, plus le lundi. Et sinon, sinon sur Sisplay quoi. Et sinon vous pouvez le revoir après. Il y a Théo également, vous rendez plus gai nos tristes semaines. Merci à vous l'équipe. Oh, c'est gentil ça. Allez continuez avec vos messages, je les lis évidemment en direct. Donnez vos avis sur vos animateurs préférés ou détestés. Et Marjolaine qui est avec nous. Tiens, je t'ai posé la question, Marjolaine ou pas toi? De ton animateur préféré ou animatrice préférée ou détestée? Bah en fait j'en ai pas forcément parce que je regarde pas la télé. Bah j'ai le même problème que toi, tu vois, j'en ai pas forcément des précis en tête. Ouais, est-ce que je peux faire une parenthèse? Vas-y. Est-ce que vous pouvez tous arrêter de dire en fait? En fait. Ouais, ouais, en fait, je sais merci. Pas. Non, bah c'est le mot détesté de Polo. Ah, hein, je suis... mini cloche tout à l'heure. Non, parce que ça m'imprime dans la tête et après j'arrête pas de dire en fait, en bah, fait. Bah ouais, en mais fait. C'est vrai. Stop le en fait. Donc t'en as pas toi, Marjorie? Non. Non, d'accord, ok, non. Bah c'est pas grave. Eh ben, y a pas de problème. Bon, Marjorie. On va donc Marjolaine. Pourquoi je dis Marjolaine? Marjolaine, donc on va refaire un petit coup la colle là hein, pour repartir avec le smartphone. L'Arcos 45 Platinum qui sera peut-être pour toi si jamais personne ne trouve la réponse à ta colle. Ou en tout cas que la personne qu'on appelle, bah soit ne décroche pas, soit ne donne pas la bonne réponse. C'est possible. Vas-y Marjolaine. Alors, je suis de tous les jours. Je retrace des événements. Je porte une majuscule quand je parle de celle des hommes. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, je répète, je suis de tous les genres, je retrace des événements, je porte une majuscule quand je parle de celle des hommes. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous pouvez vous inscrire en envoyant simplement... en allant sur le Facebook, vous allez pouvoir lire la colle et voir même pouvoir même y répondre. facebook.com/mikaelofficiel ou par SMS, envoyez Mikael et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Alors, il y a Stéphane qui proposait pour le téléphone. Attends, c'est quoi répond pour le téléphone suivant l'énigme, je dirais la moustache. Pas la moustache. Bon, très bien. Bon, allez-y les autres, hein, si vous voulez tenter votre chance. Vous, n'hésitez pas, on donne la réponse dans une bonne demi-heure. Tu restes avec nous, Marjolaine? Ouais. Bon, allez, reste là, Marjolaine de Beauvais. On va te reprendre dans quelques minutes, là. Et puis, on va prendre également... On va terminer avec Mathieu également, là. Mathieu, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Très bien, avant de faire le canular de soir, là. Il y a Thomas également, qui a 18 ans, qui appelle Deslandes. Salut, Thomas. Salut. Comment on va? Ça va, ça va. Bon, est-ce que Thomas, tu as un animateur ou animatrice détesté et ou adoré? Moi, c'est Vincent Lagaffe que j'aime bien. D'accord. Et celui que je peux pas me blairer, c'est Reichmann avec son pif. Hein. Je sais pas, ça passe pas. Ah, Reichmann, ouais. N'importe quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, moi, j'aimais bien. Comment il s'appelle encore l'animateur qui faisait Koh-Lanta? Polo. Je sais plus, j'ai oublié. Denis Brognard. Ouais, Julien, je l'aime bien, je trouve rigolo. J'aime bien Denis Brognard. Ouais, il fait toujours la F1, enfin et le foot aussi, je crois. Exactement. Et puis apparemment, Koh-Lanta, ça va revenir aussi cette année-là. Ouais, c'est sûr. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Je veux pas confirmer, mais je pense que oui. Parce que Pékin Express, ils sont pas encore venus cette année. Ouais, mais c'est sûr qu'ils. Si. Pékin Express, c'est un peu compliqué. Ils ont été arrêtés, tout le bordel là dans J'ai vu la pub. C'est pub sur Pékin Express. Mais il y a encore des mecs qui sont coincés là-bas de l'équipe de tournage. Ouais. Donc, mais par contre, lui, j'aimerais bien Denis Brognard avoir son taf. Hein. C'est-à-dire que avec Koh-Lanta là, mec, pendant 3 mois, pendant que les autres ils galèrent, toi tu vas dans ton hôtel pépère, tu reviens. Ça va les gars? Oh, tu pues! Oh, tu sens mauvais, t'as la dalle, hein, t'as la dalle! Eh, hey, moi je viens de bouffer un steak, mec! Hey, les gars, vous avez de la chance, vous avez perdu 20 kilos! Oh putain, l'enfoiré, mais j'aimerais bien à sa place! On devrait envoyer Toff pour qu'il ait la chiasse comme ça, grave! Toute la Koh-Lanta, putain, ça pourrait être bien! Hein. Ouais. Ah, mais moi j'adorerais faire ça! Non, mais j'aimerais bien aussi, cela dit, je sais que j'y arriverai pas, mais j'aimerais bien! Bon, Thomas! Ouais. Alors toi tu voulais réagir à Mathieu. Mathieu nous avait appelé parce qu'il râlait au niveau des fringues au bahut, qu'il pouvait pas mettre ce qu'il voulait, qu'il avait eu une genre punition là, devait recopier 100 fois le règlement intérieur. Ouais. Voilà, parce qu'il avait un pantalon trop large. Faut quand même pas déconner non plus, hein. Et chez toi comment ça se passe, Thomas? Bah en fait c'est strict, hein, un peu comme certains bahuts. Enfin on n'a pas le droit, genre pour les filles les mini-jupes, tout ça. Pour les mecs les shorts on n'a pas le droit. Ouais. Mais bon, en fait, un jour, j'avais complètement zappé, j'étais complètement en retard. Je me suis ramené au bahut, mais en pyjama, quoi. Ah, bravo! Pas mal, le pyjama. Parce que ça, sincèrement, je sais que je suis très souvent la tête en l'air, etc. Mais à aucun moment de ma vie, j'ai oublié de m'habiller. Non, ouais, non, moi non plus, pareil. Jamais je me suis dit, je suis sorti en short ou je suis sorti en pyjama, même si j'en mets pas, enfin je veux dire, façon de parler, ou en ayant oublié de prendre une douche, enfin jamais quoi, je comprends pas comment ça peut arriver. Bah, je sais pas. Bah, non, bah, je me doute, ouais. Mais bon, donc, du coup, quand t'es arrivé au bahut en pyjama, il s'est passé quoi? Bah, en fait, c'est juste les potes qui se sont foutus de ma gueule, mais genre, les pions, ils ont rien remarqué quoi. D'accord, ils ont rien remarqué. J'avais un jean, mais en fait, mon t-shirt quoi, c'était un pyjama quoi. Ah ouais, non mais mais t'avais mis ton jean quand même. Ah oui, t'avais mais oublié. Oui, j'avais le jean, mais j'avais pas un t-shirt pyjama quoi. Oui, bon, en fait, bah à la limite ça passe encore. Quoi, ça se voit quand même quoi, je veux dire. Ouais, mais ça se voit moins que si t'arrives avec un pyjama et des pantoufles, mec. Ah oui, ça je peux te le dire. Surtout que si t'as une veste encore par-dessus, tu vois pas le truc tout de suite. Donc, passe encore. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Personne n'a rien remarqué au bahut, rien, personne. Non, bah c'est juste mes potes qui sont foutus de ma gueule et puis c'est tout quoi. D'accord. Enfin, moi je pensais que j'allais prendre quand même parce que bon. Tu m'étonnes. Se ramener en pyjama à l'école, c'est comme se ramener sans ça, quoi. Bah oui, c'est clair. Et Mathieu, essaye d'arriver demain en pyjama à l'école pour voir. Ah ouais, non, ça pourrait être marrant, ouais, mais pas... Enfin, immédiatement marrant, mais pas après. Ah, tu sais, le bon pyjama Mickey. Ah oui, c'est ça, tiens, Mickey, ça serait pas mal, ça. Oh ouais, grave. Et tu fais des photos, je te mets sur le Facebook, mec, tu vas devenir la star. Hein. Ah ouais, non, mais moi, ce que je vais faire, c'est le dernier jour de l'année, quoi. Je vais y aller, mais complètement déchiré, quoi. Et tu feras des photos, tu les enverras, Mathieu, hein. Ouais, d'accord. Bon, je compte sur toi. Bah, merci Thomas, merci Mathieu d'avoir appelé en tout cas. Vous venez quand vous voulez. Miguel, ouais, Thomas. Y a moyen d'avoir un petit pack fun? Oui, bien sûr. Je te repasse Sandro, on va gérer ça sans problème. Ça marche, merci. Salut Thomas, salut Mathieu. Et bon courage demain au bahut. À bientôt tous les deux. Salut. Ciao. On va prendre Adrien. Tiens, même maintenant tout de suite de Besançon là. Salut Adrien, comment ça va dans le Doubs? Ça va bien, Mickaël, et toi? Eh ben, plutôt pas mal aussi, Adrien. Alors, toi, c'est qui ton animateur ou animatrice préférée et détestée? Alors, détesté, alors j'en ai deux qui arrivent ex aequo, c'est Michel Drucker et Jean-Pierre Pernaut, pour les détester. Ah ouais. Oh, pourquoi? Drucker, à la limite, je peux comprendre, mais Pernaut? Bon, c'est pareil, son journal. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on les voit à la télé. Ah quoi. Oui, ça c'est sûr, non, mais ça, bien sûr, ça évidemment, oui. Bah, enfin oui. Mais c'est-à-dire que Drucker, même ma grand-mère, elle le regardait. Donc c'est pour te dire. Ça, c'est ouf, t'imagines. Mais on a l'impression qu'il fait partie de la famille. Mais c'est tu sais, même franchement, des fois, je regarde, je dis bah... Bah, tiens, tonton Michel, tonton Mimi. Mais ouais, on l'a vu tout le temps, on l'a tout le temps vu. Exactement, ouais, il était là. Comme Julien Lepers. Ouais, c'est ça. C'est comme Julien Lepers. Julien Lepers, je me souviens, je l'avais déjà raconté, mais je me souviens d'un moment où ma mère regardait Julien Lepers. J'étais tout petit, je jouais avec mes Legos et c'était déjà ça. Top! Ah, Non. Et aujourd'hui, la tu même regardes. Chose. Top. Nananana. Tu dis, mais putain, c'est même musique quasiment. En fait, tu dis, putain, et ça fait des années quoi. Et Sébastien, pareil, Bouvard, tout ça, on dirait que c'est la famille. C'est clair, c'est tes grands oncles. C'est clair. Bon, ben voilà, très bien. Alors, Adrien, donc toi, c'est les détestés. Et ceux que t'aimes bien? Et ceux que j'aime bien, donc il y en a trois. Donc c'est Antoine de Caunes, Yann Barthès et un petit animateur qui monte, c'est Bruno Guillon. Bah oui, bah enfin bon, il monte. C'est pas un petit animateur, et c'est un grand animateur. C'est un grand. Ça fait longtemps, ouais, bien sûr, exactement. Ouais. Mais c'est bien, on le voit de plus en plus, là, c'est cool. Bon, bah très bien, bah merci Adrien en tout cas. Bah merci à vous les gars. Et tu reviens quand tu veux, hein. Salut à toi, Besançon. Bah, merci beaucoup. Ciao, à bientôt Adrien. Et on aura Teddy aussi dans quelques minutes pour donner son avis. Stéphanie et Jean-Philippe pour parler du sujet de Toff avec Cameron Diaz. Hein, savoir que apparemment toutes les femmes ont déjà eu des tendances, ou en tout cas ont envie d'avoir une petite tendance homosexuelle. Oui, d'essayer. Hein, d'essayer. Un petit doigt, une petite voilà, langue. Par exemple. Et puis on va parler également dans quelques minutes. Eh bien, des teubés de la télé, on aura aussi le canular du jeudi, hein, comme tous les jeudis soirs. Si d'ailleurs vous voulez participer et repartir avec des cadeaux, si vous voulez piéger quelqu'un, vos amis, la famille, etc., eh ben vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tous vos messages, je vais les lire dans quelques minutes. Le temps d'écouter David Guetta et Showtech maintenant, c'est découvert dans Party Fun, c'est bad. David Guetta sur Fun et Showtech, c'était Bad. Il y aura aussi dans quelques minutes le son de Pharrell Williams, ce sera Marilyn Monroe. Et on va chiller pendant que Toff va chier, bien entendu. Je vous calerai aussi le son de Calvin Harris avec Summer. Et puis Clean Bandit, Rather Be. Et puis si vous voulez écouter des sons en particulier, n'hésitez pas à hashtag et Mickaël comme d'hab. Vous prenez le contrôle de l'émission, on est là jusqu'à 2h du mat. Et puis on est au cœur surtout de la nuit sans pub. Et ça aussi, ça fait plaisir. Il y a Let's Be Freaks qui dit Dominique Chapat aussi, il voyage et il essaye plein de belles voitures en exclu. Ah ouais, putain, lui aussi, une cul en beurre. Ouais, mais c'est-à-dire que le mec, ça fait 10 ans, il a fait au moins 15 fois le tour du monde pour essayer toutes les... C'est le mec de Turbo. Ouais. Mais ça fait 25 ans, il est né avec la chaîne. Oh là là. Chapat, oui. Il est né avec la chaîne. Oui, il est là depuis 25 ans le mec. Ça fait 25 ans, c'est-à-dire qu'il a essayé toutes les versions de toutes les voitures possibles et imaginables. Et le mec, il va à Rio pour essayer d'une Renault 5 par exemple. Alors que aucun intérêt, mais bon, c'est cool quoi, tu vois. Ah putain, lui aussi, il a de la chatte. Hein. Il y a Willy du 14 qui dit moi j'aime bien Mathieu dans le mag ou tellement vrai et je n'aime pas la meuf de Money Drop. Ah, Laurence Boccolini. Ouais. Bah après, elle a un rôle volontaire où elle a un peu strict, quoi. Ouais. Ouais, il y a Francis qui dit mon animateur préféré c'est Lagaffe et Canteloup et ceux que je peux pas supporter c'est Nagui et Ruquier. Pauline également, présentateur préféré, Benjamin Castaldi, j'adore, et celle que j'aime pas du tout, c'est Estelle Denis. Et alors, Portugal également. Et Léa, faut décider à un moment, parce qu'au début c'était Léa, puis Léa, Portuguesa, et maintenant c'est Portugal, qui dit Denis Brognard, il est excellent comme animateur, d'accord, c'est ça. Devant Castaldi, et alors Arthur qui dit, moi l'animateur que je déteste le plus, c'est celle qui présente Money Drop sur la Une. Donc effectivement, on revient à Laurence Boccolini. Et enfin, un petit message, un petit dernier, Jonathan qui dit, salut l'équipe, pour l'animateur détesté, c'est Stéphane Plaza, je l'aime pas du tout. Ah bah, c'est l'inverse des Français alors. Hein. Et gros dédicace à John, Cindy, Allison et à mon petit Penji. Bon, dans quelques minutes, il y aura le canular. Et nous allons évidemment maintenant parler des teubés de la télé. Vous savez qu'on aime bien faire un petit tour de ce qui se passe à la télévision, comme tous les soirs. Et là, la plus belle déclaration d'amour a eu lieu dans la maison du bluff, la grande classe. T'es beau, t'es marrant, t'es intelligent, t'es romantique, t'as une grosse bite. Quoi de manger? Ton micro d'allumé. Ah oui, c'est pas droit. C'est pour ça que le son était un peu dégueulasse, parce que ça venait d'une prise au hasard. Voilà. Bon, pas et chance. Si vous ne savez pas, alors pour ceux qui n'ont pas entendu, donc parce que c'est vrai que le son était un petit peu bizarre, la meuf disait oh t'es beau, t'es marrant, t'as une grosse bite, et puis t'as le mec qui dit ton micro allumé et ça se retrouve sur Fun Radio, dommage. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est l'Europe également, j'ai une bonne nouvelle, voilà la réponse. Un député européen aurait déclaré après les événements en Ukraine, finalement l'Europe c'est un peu comme ma femme, il n'y a que ceux qui ne sont pas dedans, à qui elle fait envie. Oh la violence. Et pour finir, révision de maths avec les Marseillais à Rio. On va faire un test de culture générale et bien sûr, voilà, c'est pour moi. 4 fois 2. 6. 4 fois 2, 6, ça m'arrêtait là. C'est bon. C'est vrai, j'ai pas trop de cultivation, ça me saoule. Mais il se moque tout le temps de moi, mais je le prends pas mal. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je réfléchis. En fait, le problème, c'est que je tourne pas mon cerveau cette fois dans ma tête avant de parler. Oh là là. Et voilà, ça va trop vite. Je sors tout ce que je pense et voilà, j'oublie de réfléchir. Alors, 4 fois 2, 6, cultivation et je ne tourne pas cette fois mon cerveau dans ma tête avant de parler. Ah là là, la pauvre. Qui est donc un petit peu l'équivalent du je tourne cette fois ma langue dans la bouche avant c'est de ça. Parler. Et voilà, la cultivation, c'est ça. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Je le confirme. Elle est pas mal, elle. Hein. Ah non, elle est bonne. Elle est bonne. J'aime bien. Ils sont bons, les Marseillais. Non, elle est pas mal, la cultivation. Ouais, pas mal. Bien. Non, bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, allez, dans un instant, il y aura le gagnant ou la gagnante de la colle. On va également accueillir maintenant Adrien avec nous. Ah ben non, on l'a déjà pris Adrien, tant pour moi. C'est Karine qui est avec nous, là, de Clermont-les-Raux. Salut, Karine. Salut, Mickaël. Salut, Karine. Ouais. Comment vas-tu? Très, très bien. Bon, tant mieux. Karine, 37 ans, toi, tu veux donner ton avis sur l'animateur ou animatrice préférée et détestée. Alors, quels sont-ils ou elles? Alors, je déteste De Chavannes. D'accord, décidément, il prend Charlie. Trop nul. D'accord. Oh non, et respect. J'adore Claire Chazal. Ah, t'aimes bien Claire Chazal? Ouais. Ah bon, pourquoi? Bah, parce qu'elle donne toujours des bonnes informations. Oui. Bah. Je la trouve très belle. Oui, ah, pour son âge, elle est belle, effectivement, c'est vrai. Ah, oui. Il y a l'enfant. Oh, bah, qu'est-ce que c'est le doux derrière, là? Oui, c'est le petit doux. Ça, c'est la reine des douces. Mais il n'est pas temps qu'il aille dormir, lui? Elle. Ouais, le problème, c'est qu'elle est hyper active, alors elle a un peu de mal à s'endormir. Eh, tu peux nous la passer un peu, là? Oh, bah, elle a 3 ans, hein, je sais pas si. Non, respect, promis, le premier qu'il y a un truc, je lui mets une patate. Non. Ah oui, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Summer. C'est l'or? Non, Summer. Summer, ah, d'accord, okay. Ah, mais comme Calvin Harris. Ah oui. Ouais. Voilà. On le mettra. Allô, Summer? Elle se cache. Oh, elle se cache. Mais elle a peur de Polo, c'est normal en même temps. Hein. Tu lui fais peur. Bah oui, c'est normal. Allô, Summer. C'est ça quoi? Ça va? C'est la radio? C'est pas maman. Il te parle, le monsieur. Allô, Summer? Monsieur. Oui, Summer. Ça va? Ah, elle s'est barrée, elle a raison, elle a raison, même moi je serais parti. Elle a raison. Elle se cache. Bah oui. Bon bah très bien. Karine, et elle est en pleine forme à minuit 10 là. Hein. Ah oui, trop même. Ah oui, j'imagine. Bon, et bah merci Karine en tout cas. Merci à vous. Je te fais des bisous et embrasse Summer pour nous. J'y manquerai pas. Ça et roule. Bravo pour votre équipe. Ah oh, bah c'est gentil Karine. Gros bisous. Gros bisous. Salut, il y a également Tristan avec nous de Toulouse. Salut Tristan. Salut Mickaël. Oh, c'est un doux ça. Oh, ça sent le doux ça. Ouais, ça c'est un doux ça. Ça sent pas la sueur encore. Parce que les doux ils sont comme ça, tu sais. Exactement. Ça sent la terre. Ouais. Comment ça va Tristan? Bien et toi? Eh bah très bien. Bon, je rappelle que les doux c'est tous les auditeurs de Fun et de l'émission qui n'ont pas. Non, pas forcément l'âge, qui n'ont pas encore mué. Bah, à 20 ans, t'as mué normalement. Oui, mais parfois à 16 ans, t'as pas encore non, mué. Non, mais après, on peut donner des dérogations spécifiques. Exactement. À des gens pour rentrer dans les doux. C'est vrai. Alors, Tristan. Quel est l'animateur que tu préfères et que tu détestes? Ça peut être un garçon ou une fille. Je déteste Vincent Lagaffe. Ah, toi tu le détestes. Alors tout à l'heure c'est où on aimait bien. Et ceux que t'aimes bien, celui que t'aimes bien? Je sais pas, ils sont tous bien à part lui en fait. C'est... Ah, il y a que lui que t'aimes pas alors, d'accord, ok, très bien. Ok, et pourquoi il t'a fait un truc? T'as joué à un jeu, t'as perdu ou c'est quoi? Non, c'est pas ça, mais en fait il est vieux et à chaque fois, dans le juste prix, il est entouré de gonzesses super jeunes. Ah, t'es jaloux en fait, c'est juste ça. Mais, c'est ça aussi. Moi j'aurais bien présenté le juste prix, je pense que c'est une émission, j'aurais été bien. Ah ouais, tu parles, ouais. T'aurais dû aller dans le public? Non. Juste pour voir les meufs quoi. Ah oui, pour être dans les meufs. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu sais, okay. Parce que quand elles t'amènent les cadeaux, qu'elles t'amènent les trucs et tout, elles sont toujours là à coller le mec qui est en train de jouer. Oui, c'est vrai. Bon, bah très bien Tristan, bah merci d'avoir appelé en tout cas le doux. Merci. Salut à toi, à bientôt, ciao à toi. Bon allez, restez avec nous, on va revenir dans quelques minutes, il y aura le gagnant de la colle. Et puis on va se faire le tour de taille là maintenant. Allez, hop là, avant de se faire le canular juste après. On canular comme tous les jeudis soirs. Et le canular ce sera avec Steve dans quelques minutes. Alors, je rappelle donc, Toff, t'as la note? Alors Polo 104. Polo avait fait 104, puis il est monté à 105, puis il est redescendu à 104. C'est ça. Et alors, il a stagné à 105 également, 2 jours, voilà. Et donc aujourd'hui, il en est à. Attends. Putain, j'arrive pas. T'arrives pas quoi? Il y a le t-shirt là. 104. Ouais. 104, ça diminue pas. Très mais bien. Putain, c'est pas possible. Bah, je mange plus. Bah ouais, mais justement. Bon, alors, moi j'étais à combien? 92 hier. Et j'ai commencé à 94, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc je suis arrivé à 92, ce qui est déjà exceptionnel. C'est non, bien. C'est pas mal, c'est pas mal. 2 cm de tour de taille, je trouve ça quand même assez bas. J'ai hâte. Oh, je vais faire ça rapidement pour avoir le tour de taille de Sandro. Ah oui. Parce que vu qu'elle est la pifre. Oh merde, je suis en pouce là. Alors attends, j'ai Oui. Inch, c'est une mesure anglo-saxonne pour ceux qui ne connaissent pas les pouces et les inch. C'est anglo-saxon. Et nous c'est en mètre. Exactement. C'est ça, Christophe. Oui, c'est ça. Alors attends. Tu seras Non, mais il y a... Ah ben 91, c'est quoi non. le truc ouais, regarde, c'est 91 ou 12 ça. Il faut lire le truc d'en bas ou le truc d'en haut. Mais c'est pareil, en haut et en bas, c'est la même chose. Ah non. 91. Non. Ah là là, ça baisse, je vais ça finir à 85. Hein. On va être bon. Ouais, là. Mais tu vas tout reprendre après. Pourquoi? Parce que tu vas arrêter. Mais non. Bah si. Tu verras. Ah non, mais il faut arriver à stabiliser. Arrête le régime et reprends et continue de se c'est mesurer. Pas un régime. D'accord, c'est d'accord, pas un régime. D'accord, ok. Allez, viens ici, Josiane. Non mais je me mesure. Ouais, je me mesure toute seule. Non, t'inquiète. Non, d'abord Tof. On fait la règle. On suit le côté normal. Tof, il a un sweat très moulant. Oui, très moulant. On voit des petits tétons là. Trop moulant. Je boufferais bien le cul là. Bon, Tof était à 100 et là il est à 98. Eh, il a perdu un peu. Hein. Putain. Il a perdu ou c'est parce que t'as mis un t-shirt plus. Non, parce que le t-shirt est plus épais que celui d'hier. D'accord, ok, très bien. 98, ah, très bien. Ah, il a mis des t-shirts épais, il les descend, espèce de. Ah ouais, en flux. Aucun rapport. Vas-y, donne. Non, mais bravo, Tof. Bon, bravo. Allez hop, c'est Sandro à son tour. C'est moi qui le fais. Alors, attention. Il faut que ce soit la même main qui. Sandro est passé de combien à combien? Attends. Il faut d'abord rappeler avant de faire le tour. Rappelons-le. Elle a commencé à 71 où on s'est dit, putain, bien. Ouais, elle est bien gaulée, la main. Le lendemain, mardi. Je sais plus, mais. Beaucoup. 74, c'est ça. Puis après, nous sommes passés à 81. Hier, nous étions à 82. Non, mais c'est improbable. 10 cm de non, tour. Mais je t'ai dit, je le sens. Mais moi, parce que je prends. Elle est ballonnée. Et je repère très vite, en fait. Alors, parce qu'en fait, elle pète. Comme elle pète pas, toutes les raisons tout sont vides. Alors ouais. 103. Ouais. Non, ah, on s'emballe. Alors. Ah non, ça va aujourd'hui. Oh merde. Combien? Ça va. 77. Elle a perdu? Ouais. Je vous ai dit, moi, c'est bizarre. D'un jour à l'autre, en fait, parce qu'il y a des jours où je vais manger très équilibré. Ouais, enfin, pour et il y a moi, d'autres jours où je vais être énervé, où je vais être contrarié, je vais bouffer du pain, tout et n'importe quoi. D'accord. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de yo-yo, en fait. Moi, des fois, je suis très très bonne et des fois, je suis un peu plus rond. T'emballes pas non plus, hein. Ah, non, je suis bon. Déçu. Ah ouais, moi aussi, ouais. Très déçu. Mais 91 quand même. C'est bien. Objectif 89 la semaine prochaine, quand même. Voilà, je veux terminer en dessous de 90 par principe. Bah ouais. Mais voilà. Vous buvez beaucoup d'eau quand même. Ouais. Boire beaucoup d'eau. Bah, je fais que ça. C'est-à-dire que je passe ma vie à pisser. Ouais. Je passe ma vie à jamais autant pisser, moi. Je passe ma vie à pisser et même quand je vais chier, c'est de l'eau. Tellement je bois. Ah mais faut pas que ce soit trop hein. Non mais pas de l'eau, mais façon de parler. Mais parce que on est jus d'ananas, ananas, tout le bordel. Vous êtes en train de vous vider en fait. Jus de citron, on nettoie le bordel. Moi je suis au Karcher à l'intérieur là. Mais c'est bien de le faire, de faire des cures de temps en temps comme ça hein. C'est ouais. Très bon pour le corps. Voilà. Faut pas en abuser, mais faut faire des cures de temps en temps. Oui bien sûr. Bon, tu commences quand la tienne? Ouais, bah elle a dit que ce week-end elle allait faire des courses. Je lui conseille d'aller courir plutôt que de faire des courses. Mais apparemment elle n'aime pas ça. Courir, je peux pas. Bon, il y a un message qui salue l'équipe. J'écoute depuis peu. Je voudrais un message de bienvenue. Moi c'est Doublini. Bah salut Doublini. Va te faire enculer, sale pédé. Et Bilmus également qui dit, mon animateur préféré c'est Cyril Hanouna et je déteste de Chavan. Il y a Freestan également, avant je refusais de m'ouvrir à d'autres musiques que le métal. Depuis que j'écoute Fun avec Mickaël, ça a changé. Écoute, j'ai envie de te dire tant mieux, mais rassure-toi, on aime le métal également. Et Club Med également qui dit, attention, l'eau fait gonfler. Ouais, ça c'est tu fais de la rétention d'eau, mais si tu la pisses, ça va. Ah oui. Edouard également qui dit, si Pékin Express reprend bientôt, j'ai vu la pub. Ah, Pékin Express reprend bientôt, d'accord, ok. Et DJ Daminou aussi qui dit, Pékin Express, ça doit se faire avec des anciens et Koh-Lanta avec et Koh-Lanta est prévu, mais c'est dur après la mort d'un candidat. Non mais bien sûr qu'évidemment c'est difficile après la mort d'un candidat, mais après voilà, show must go on, hein, comme dirait l'autre. Ness également qui dit Pékin Express reprend dans quelques jours, là j'ai vu le teaser sur M6. Et Lucas ou Lucas qui dit, mon animatrice préférée c'est Karima et celle que je déteste c'est celle qui présente Money Drop. Décidément Laurence Boccolini n'a pas beaucoup de succès pour l'instant. Et en plus personne connaît son nom quoi. Et en plus, effectivement, personne ne connaît son nom. Allez, restez sur Fun Radio, je vous le cale maintenant, comme promis. Le son de Pharrell Williams avec Marilyn Monroe. On aura dans quelques minutes Stéphanie et Jean-Philippe pour parler des relations bisexuelles. Kevin qui voulait parler de permis de conduire. Marjolaine pour la colle. Et puis bah, tous vos messages qui arrivent en direct sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKELOfficiel. Le canular, c'est juste après Pharrell Williams sur Fun Radio. Bonne soirée. This one goes out to all the lovers. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, avec d'autres appels de Toff qui suivront dans quelques minutes. J'espère qu'ils seront aussi lourds que celui qu'on a eu tout à l'heure. J'espère, là, parce qu'on était bien. Ah bah je te confirme. Il y a une cut également, Kamgan, qui dit « Moi, mon animateur préféré, c'est Mickaël, et celui que je déteste, c'est Toff. » Bah, c'est gentil, Kamgan, mais on avait dit télé, hein, mais c'est gentil quand même, Kamgan. Mick 10350 qui dit « Attention, c'est pas le pain qui fait grossir, ce sont les aliments qui accompagnent, qui sont nos Bah si, ça fait gonfler le pain malgré tout, hein. C'est, si tu mets pas de sauce et tout ça, c'est bien, mais bon quand même. Jérémy qui dit un jour Toff ne sera plus de ce monde avec tous ces dingues. Agathe également qui dit en fait. Enes qui dit moi j'adore Nico, c'est Cyril Hanouna et je déteste aucun en particulier. Et alors Dédé qui dit la présentatrice que je préfère, c'est Chloé Napédian qui fait la météo sur iTélé. Ah, pervers. Voir sa tête. Je me souviens plus à quoi elle ressemble. Je me souviens d'une Fanny sur BFM Télé qui a dû partir à cause des élections. Là. Mais sur iTélé, j'avoue que je regarde pas très souvent iTélé. Attends, faut que je trouve une bonne photo là. Voilà, montre, attends, c'est Chloé. Et Nancy qui dit moi c'est Stéphane Rottenberg que j'aime bien. Et Valou, mon animateur préféré, difficile à dire. Cyril Hanouna et celle que j'aime le moins, c'est Karine Ferry. Et Lydie également qui dit moi je m'habillais comme je voulais au lycée, sauf à l'école d'esthétique. Là c'est blouse blanche obligée. Oui, non, mais bien sûr, c'est comme ceux qui font infirmier, flic, etc. Oui, et qui veulent pas l'uniforme. Ah, si tu veux, il y a un moment. Voilà. Alors on voit Chloé là, elle est. Ça va, elle est mignonne. Bah après c'est peut-être pas la photo. Bah moi je les rookies. J'aime pas moi. Ouais, moi j'aime bien. Je suis pas trop fan non plus physiquement. Mais bon après pourquoi pas. Faut voir en vrai. Bon allez c'est parti. On va accueillir. Et bah Steve maintenant, tiens justement. Steve pour faire le canular du jeudi. Salut à toi Steve. Salut Mika. Salut. Comment ça va? Ça va. Canular voilà. Donc, et on va appeler qui? On va faire quoi? Quelle est l'histoire? Dis-nous tout. Alors en fait, on va appeler un de mes meilleurs potes, on va lui faire croire en fait bah, que je suis passeur pour gagner un peu plus de veille. Hein. Et puis qu'on s'est fait choper, qu'on est tombé en panne, tout le bordel, puis il faut qu'il vienne quoi. T'es dans quel coin toi? Je suis du côté de Besançon. Et donc on pourrait imaginer qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Que tu reviennes Suisse avec le matos, t'as été en acheter là-bas? Ouais, exactement, ouais. Et que t'es venu pour en revendre en France et que bah la douane volante, pas de bol, etc. Non, t'es tombé en panne et que ouais, voilà. Et que bah nous en tant que police, enfin douane, on se renseigne pour voir si t'as pas dans le besoin quoi. Ouais. Eh ben écoute, ce que je te propose c'est qu'on l'appelle. Il s'appelle comment lui d'ailleurs? Loïc. Bon ben on l'appelle, bah bonne chance hein. Ouais, merci hein. Ça va bien se passer, hein, t'inquiète, faut y aller, faut y croire, y a pas de problème. Qu'est-ce que dit Jeff Focal? Ça vaut 150 boules peut-être pour toi, on l'appelle, c'est parti, bonne chance Steve. D'accord. Bon, allez, sois bon comédien. Bon, je réfléchis à trouver mes bruitages de voiture. Allô? Oui? Ouais, ma poule. Hein. T'es en privé gros, c'est normal? Ouais, c'est parce que j'ai changé de téléphone. Hein. Et puis j'ai pas... Toi aussi? Ouais. Dis, je t'appelle, je suis un peu dans la merde, je suis à Val d'Aon là. C'est ça. Tu sais, avec mes problèmes de bagnole, tu sais, je me suis fait licencier de mon taf et tout. Hein. Ouais. Et, bah, si tu veux, je reviens de la Suisse là. Je suis allé chercher de la fille du côté de Neuchâtel. C'est quoi ce délire, t'as pas fait ça? Et si tu veux, je suis tombé en panne. Je suis pas loin de la gendarmerie, ça c'est le comble, peut-être tu me connais moi et ma chance. Hein. Et je voulais savoir si tu pouvais pas venir au moins me chercher mon gars. Je te jure, je tremble, je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. Je... Mais t'es où? Bah, je suis juste avant le rond-point du Super U. Hein. Mais qu'est-ce que t'as en fait là? T'as rien dans l'auto? Mais si que j'ai dans l'auto. Hein. J'en ai au moins pour 30 000 euros. Je fais 55 ans avec le gars. Bref, Loïc, il faudrait que tu viennes, s'il te plaît, parce que c'est... Et je te préviens, si j'ai à me déplacer, je t'assomme si c'est des conneries. Non, Loïc, j'ai l'air de rigolo au téléphone, là. Mais t'es tellement sérieux à chaque fois, je sais plus comment faire avec toi aussi. Bon, là, attends, s'il vous plaît, monsieur. Attends, deux secondes, s'il te plaît. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Un problème sur le bord de la route, là? Non, je suis tombé en panne. Vous êtes tombé en panne? Vous avez appelé le dépanneur? Non, j'appelle un ami, là, pour qu'il vienne m'aider pour prendre des câbles. D'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, je mets les lumières, là, pour éviter, éviter un accident, là, comme il fait noir. Ah oui, ça marche. Très bien, tout va bien, sinon vous êtes sûr, hein? Oui, oui, ça va, oui. Bon, très bien, je vais juste faire une petite vérification d'usage, là, par rapport à la carte. Je reviens, je vous mets les gyrophares derrière pour être sûr, à tout de suite, monsieur. D'accord, merci. Oh, putain. C'est quand même un peu gros, ton truc, là. Bah, c'est pas gros. Là, Loïc, arrête, tu vas pas me faire les coups, tu m'as baisé combien de fois? Comme par hasard, je suis sûr qu'il va revenir, il va te demander d'ouvrir le coffre. Non, bah déjà, la carte grise, elle est pas à mon nom, tu vas t'en penser. Écoute, je vais pas le faire. Là, il nous entend pas. Loïc, dis-moi juste que tu viens, que je sois pas quitte d'un... Attends, de comme par hasard, ça toque. Oui. Dites-moi, vous avez téléphoné à votre ami, c'est bon, est-ce qu'il va arriver, comme je vous veux toujours au téléphone, là Oui, oui, je suis en train de le regarder avec lui. D'accord, ok, bon, très bien. Il peut arriver dans combien de temps? Parce qu'on m'a appelé sur un autre endroit, là, je voudrais pas arriver trop tard non plus, là. Parce que moi, je peux pas vous laisser là, si vous comprenez, en plus, là, vous avez un clignotant qui est en panne. Non, mais le temps qu'il arrive, 10 minutes, je pense. Demandez-lui pour être sûr, parce que bon, moi, je vais pas attendre là éternellement, sinon je vous appelle une dépanneuse, mais évidemment, ça vous fera des frais. Oui, oui, d'accord, oui, je comprends bien. Oui, oui, bah oui. Et lui, dans oui, la bah, je lui demande, hein. Loïc oui. Passe-le-moi, le gars. Ouais, je vous le passe. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, c'est à qui au téléphone? C'est qui au téléphone? Comment ça, c'est qui au téléphone? Oui, j'aimerais savoir qui vous aide. C'est l'agent de police, nous sommes en train de patrouiller sur la route, on a vu un véhicule qui était en panne sur le bord de la route. Donc... Oui, oui, non mais oui, j'arrive là. D'accord, ok. Dans combien de temps pouvez-vous être là? Parce que votre ami n'a pas l'air d'être sûr de lui. Dans un quart d'heure, je serai là. Bon, écoutez, alors apparemment, ça a l'air d'être bon, alors pas de soucis. Un petit... Je vous le repasse, hein. Oui, oui, passez-le. Au revoir, monsieur, bonne soirée. Au revoir. Comment se sortir de là? Bah, allez, j'arrive. Bon, bon ben, j'ai parlé dans combien de temps là, okay. Dans 10 minutes. Ok, ça marche, merci. Monsieur? Oui. Excusez-moi, j'ai demandé à des collègues de passer, je dois absolument partir. Donc ils vont venir mettre les lumières, les gyrophares derrière pour que votre ami puisse vous retrouver plus facilement de 1 et surtout éviter une collision avec un autre véhicule. D'accord. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Au revoir. Merci, pareil moi. Au revoir. René, tu tombes bien, tu peux mettre... Ah putain, je sais pas, je suis désolé, lui, t'es un peu fou dans cette merde, là. Ouais, monsieur, hein là. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Bon, le collègue, il m'a dit, là. Bon, elle a quoi, votre voiture? Bah, elle démarre pas, faut juste que je mette les pinces sur ma batterie. Ça doit être la batterie qui a... Faites un essai, là, pour voir. Oui. Ouais. Bon, ouvrez un peu le capot, là. Ouais. Ah, on va regarder. Oui, c'est vrai. Hein, on va regarder ce qu'on peut faire. Bah, bon. Sinon, on peut pousser. Ouais, on peut pousser la voiture, sinon elle ne démarre pas. Donc. Eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Il y a quoi dans le coffre? Ouais, y a mes affaires d'airsoft. Vous avez des affaires d'airsoft? Oui. Ouais, faites voir un peu ça. Putain. Oui. Il y a quoi dans ça? Le sac? Dans le grand sac là? Ça, c'est mes billes. Hein. C'est vos billes. Ouais, bah ouvrez le sac quand même. On va vérifier les billes. Bon, ouvrez le sac. Ça va pas, vous me dites, hein. Non, mais... Voilà. Monsieur, je vais vous demander de mettre les mains sur le véhicule, là. Roger, reviens, Roger. Qu'est-ce qui se passe, Rémi, là? Regarde dans le coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, regarde. Regarde ce qu'il transporte. Monsieur, on bouge pas, monsieur. Non, mais restez là, monsieur. On bouge pas, garde les mains sur la voiture. Oui, bah c'est bon. Vous voyez quelqu'un là, on a apparemment un gros problème au niveau d'une véhicule qui était garé sur la E57. Bon, vous êtes avec qui au téléphone là, monsieur? Mon dépanneur, un ami. Vous êtes avec le dépanneur, passez-moi le dépanneur. Très bien, on va attendre, hein. on attend sur place. Allô, monsieur? Oui. Oui, veuillez décliner votre identité. Mais moi j'aimerais déjà savoir quel adjudant, qui est au téléphone et quelle brigade. Pour commencer. Chotard, monsieur le brigadier. Vous êtes à quelle brigade? Je suis à la brigade territoriale de gendarmerie de Besançon, Tarangon. D'accord. Ah, on fait moins le malin, monsieur. Oui, je fais pas le malin, moi. C'est juste que j'ai le droit de savoir, c'est la loi. Oui, c'est la loi. Bon, quelle est votre relation avec le monsieur ici? Mais c'est un ami à moi, quoi. C'est un ami. Est-ce que vous saviez ce qu'il fait? il vient de m'appeler pour me dire qu'il était en panne à Val d'Aron. Oui. Et vous savez pas ce qu'il transporte? Ben non, tu peux pas derrière ses têtes, quoi. Ouais, bon écoutez monsieur, ce qu'on va faire, c'est que nous on va ramener le petit à la brigade, et puis vous allez venir déposer, que vous n'étiez pas au courant. Ben moi je vais pas déposer plainte contre lui, moi. Mais qui a parlé de déposer plainte contre lui, monsieur? Vous allez nous dire que vous n'étiez au courant de rien, et j'espère pour vous que c'est le cas. Ben, pourquoi je serais au courant? D'où vient ce sac, monsieur, là? Ben, c'est bizarre quand même, il est en panne avec un sac rempli de coke et vous n'êtes pas au courant, mais c'est vous qui l'appelle. C'est bizarre monsieur. J'habite à 15 km. C'est logique. Les douaniers sont en route là, ils seront là dans deux minutes. Hein. Oui, vous habitez à 15 km et donc c'est chez vous qui venez pour déposer la drogue. Encore mieux. Non mais ça va trop loin là. Ah, voilà. On y arrive. Donc c'est vous le revendeur. Ah bah il manquerait plus que ça. Monsieur. Accroche. On va venir vous chercher. Allez, je pense qu'il est pas bien là. Allez, non, putain, on a galéré pour le faire aller. Hein. Ouais. Oh, ouais. Putain, deux heures qu'on est dessus là. C'est qui la fille, sa femme? C'est sa meuf. Hein. Ah, c'est sa meuf. Elle est relou. Ouais, putain, dès qu'elle est arrivée, elle a cassé le délire là. Qu'elle est relou. Attends, mais je peux vous donner les noms, les prénoms si vous voulez. Vas-y, t'as balancé donc, vas-y, au moins les prénoms, tu vois. Ouais, t'as balancé, bien. Ouais, en fait, toi t'as dit que c'était chez lui pour. Ouais. C'est chez lui qu'on devait tout livrer, donc on va débarquer. Donc, c'est quoi les deux prénoms, c'est quoi? Alors, c'est Loïc, ouais. Et puis Mélissa. T'as pas un autre prénom d'un de tes potes que tu as balancé aussi dans la foulée? Marc-Antoine, très bien. Bon, on le rappelle, pendant ce temps-là, donc t'as balancé comme une sale merde que tu es. Évidemment, ouais. Hein. Et que toute la cam était pour lui et que voilà. D'accord, ouais. D'accord. Allez, c'est parti, on y va, on rappelle. Allez, bonne chance, Steve. Nous, on est toujours derrière. Ouais. D'accord, ça marche, merci. Putain, il nous a mis dans la merde, lui, hein. Il nous a mis dans la merde, Loïc, là. Mais ça va aller. Ouais, c'est moi. Tu viens de te faire arrêter, puis tu peux téléphoner, mais tu me prends vraiment pour un idiot, toi. Monsieur, est-ce que la marchandise était pour votre ami, oui ou non? Oui. Très bien. Mais la cible, ça va trop loin là. Bon, très bien. Dites au monsieur au téléphone là de ne pas bouger de chez lui, que les collègues vont arriver, hein, d'accord? Ben, il faudrait déjà avoir mon adresse et puis je vous la donnerai pas parce que je suis dans la loi. C'est pas chez toi, c'est chez moi. Déjà. Qu'est-ce qu'il dit votre ami là? Écoutez, pas celui mon collègue là. Pendant que je prends votre déposition, monsieur là, restez bien là et restez calme. Allô, monsieur. Monsieur Loïc? Oui. Alors, vous habitez bien chez Mélissa? Oui. Très bien, alors on va prendre l'adresse et on va venir vous chercher tous les deux pour vous entendre. Oh bah bien sûr, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Moi non plus. Hein. Oui, mais en fait, c'est mieux pour vous que vous coopériez maintenant qu'on vienne vous chercher. Hein. Venez me chercher. Monsieur, ne m'obligez pas à employer les grands moyens pour retrouver votre téléphone. Bah, vous avez pas le droit de faire ça, alors arrêtez de me prendre pour un idiot déjà. Parce que vous croyez que... S'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce que vous connaissez à la loi? Vous croyez que si je rentre au commissariat maintenant et que je demande une commission rogatoire pour faire une triangulation sur votre téléphone, je ne l'aurai pas auprès du procureur? Pour qui vous vous prenez, monsieur? Mais pour qui vous vous prenez, monsieur? Quand on est un dealer de drogue, on ne se permet pas. Hein? Ah bon, je suis dealer de drogue maintenant. Vous savez que les accusations sont enregistrées chez Orange, par la loi. Je peux avoir la Monsieur, est-ce que vous savez qu'un numéro masqué peut être démasqué? Ne présumez pas de la loi, monsieur. Non mais on va le démasquer, monsieur. On va le démasquer, rassurez-vous. Hein, ne présumez pas de la loi et de ce que vous êtes en droit de faire, monsieur. Hein. Vous rigolerez moins quand vous serez en garde à vue. Tranquille là. Alors, allez, de toute façon, là, j'ai la déposition, et donc apparemment, c'était pour lui la marchandise. C'était d'ailleurs pour ça qu'il devait venir, pour nettoyer le véhicule, afin qu'il n'y ait pas de traces, comme par hasard. Bon, écoutez, monsieur. C'est tout des conneries, ça, c'est des conneries. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Mademoiselle. Donc, il m'a donné un nom également de Marc-Antoine. Je n'ai pas encore réussi à le localiser. Très bien, nous allons chercher Marc-Antoine. Bon, en attendant, mademoiselle Mélissa. Ouais. Bon, vous me donnez votre adresse? Non. Parfait, bah écoutez, on va la trouver. Hein, et puis ça rigolera moins. Ben, de toute façon, c'est une connerie votre truc là, c'est pas possible. Eh ben, on en reparlera. On en reparlera pendant la garde à vue si c'est une connerie. Garde à vue de quoi? Il n'y a pas de drogue chez moi déjà. Il n'y a pas de garde à vue, madame, arrêtez de me dire comment fonctionne la loi. La loi, c'est vous avez été en communication avec un... Ça va trop loin, là. Un trafiquant de drogue qu'il a identifié votre ami comme le revendeur à qui il allait déposer la drogue. preuve de toute façon, il n'y a aucune preuve. Ah bon? Et le sac dans la voiture, madame, qu'est-ce que c'est? Il peut dire n'importe quoi, il peut dire que c'est le voisin. Peut-être, madame, mais ce sera à vous de prouver que ce n'est pas vous. De toute façon, nous allons perquisitionner chez vous et j'espère pour vous qu'on ne trouvera rien. Bon, de toute façon, on va y aller là. Hein. Voilà. Je prépare. Eh ben, on y va. Bon, de toute façon, ils sont partis. Ah merde. Oh, c'est bon là. Ça va, il commence un peu à flipper, hein. C'est bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est casse-couille, l'autre. Elle est relou, la meuf là. Parce que sinon on serait marié. Le jour où elle a vraiment les flics qui débarquent, ils leur parlent comme ça. Ah putain, démonté, ouais. Elle, je pense que la meuf arrive, la bague arrive comme ça. Déglingue. Oh, bon, les couilles, vous avez pas le droit. Ah, on a pas le droit. Ah bon, bah attends, le loin. On va le rappeler dans quelques minutes d'ailleurs, justement là. Donc bougez pas de là. On va se mettre juste le son de Deoro là avec 5 Hours. Il y aura aussi Avicii, on l'avait promis tout à l'heure. Et puis Clean Mandit. On appellera les appels de Tof aussi, donc bougez pas de là, bouge pas Steve, on rappelle tout ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Minuit 35. Allez, restez là, tiens, il y a un message de It's Benji qui dit Brigadier Tof. Non, c'est Chotard. Oui, Chotard. Oui, Brigadier Chotard. Elle est relou, la meuf. Hein. Oh, quel connard. On n'est pas à l'abri qu'elle nous flingue le dossier là. Elle nous flingue le dossier. Allez, Clean Bandit, c'est maintenant. Rather be, c'était Clean Bandit à l'instant sur Fun Radio, minuit 39. On va donner la réponse également à la colle. On va se faire la suite aussi dans quelques minutes, là, au retour de Steve. Et puis on va espérer réussir à joindre de nouveau notre ami futur prisonnier. Et alors, Mick10350 qui dit le jeu du je te place les phrases cul dans le canular. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué, mort de rire. Ça. Oui, écoute, comme il faisait le malin. Ouais, c'est vrai qu'il fait le malin là. Ouais, il faisait le malin. Je lui souhaite, pareil pour la meuf, de ne jamais tomber sur un vrai flic. Ouais, on n'a pas que ça à faire. Elle se la raconte. Il y a Léa aussi qui dit l'appel masqué peut être démasqué, mauvais tuer de rire. Devers 45 qui dit ce canular, il est top, continue comme ça, vous irez loin avec ceci. Mort des rires, vous me faites taper des barres avec ce canular. Et It's Benji Beach qui dit Brigadier Tof. Non, c'était Brigadier. Chaudard. Non. Non. Si. Merde, j'ai oublié là. Bon, je sais pas. On t'en fait partie chier, hein, comme on a mis le son tout à l'heure de Pharrell Williams. Yadlin qui est trop fort, il joue bien, Tof et Mickaël, le Steve aussi d'ailleurs, mort de rire. Bon, on va le rappeler dans quelques minutes, Steve. Steve ? Oui ? On va le rappeler dans quelques minutes, et puis galère à la meuf, hein, qu'est-ce que je te dise, moi. Elle est chiante, hein. Elle est vraiment chiante. Non, si, elle est chiante. Ah, c'est un homme soumis, c'est pour ça. Ah ouais, mais ça s'entend, hein. C'est pas moi, c'est pas ton appart, c'est mon appart. Ouais, mais c'est ça, c'est mon appart. Bon, reste avec nous, on va juste faire la réponse à la colle et puis on va rappeler juste derrière. Tu restes avec nous, Steve? Ouais, pas de soucis, ouais. Bah, il vaut mieux en même temps. Il y a Aurélien aussi qui dit, est-ce que vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? C'était énorme. Aurélien qui dit, c'est juste énorme cette histoire, il est fou le type, là, continuez comme ça, continuez à hausser la voix, là, c'est énorme aussi. Et Agathe qui dit, j'avoue, Tof, tu gères en tant que gendarme. Tu lui parles, il va se faire taser, hein, tu vas voir celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'aider aussi? Ils se laissent pas faire, les amis de l'auditeur là. Non, ils se laissent pas faire, ils sont limite un peu imbus d'eux-mêmes. Ils se la racontent. Ils se la ramènent un peu, ouais. La loi, trop fort. Ouais, trop fort le canular pour Laura et Toretto aussi. Non, c'est Legana, ou Toretto, je sais pas quel est le nom et quel est le prénom. Le mec se chiait dessus au téléphone. J'avoue qu'il avait pas l'air clean non plus. Hein. Ouais. Bon, allez, avant de rappeler, du coup, là, le temps de voir si tout est ok, on va se faire la colle maintenant. La Marjolaine, t'es là? Non, elle peut pas être là parce que j'ai pas levé le bouton. Marjolaine, t'es là? Oui. Ah, très bien. Alors, Chotard est de retour. Hein. Ouais, alors Chotard est de retour. Hein, voilà, c'est fait. Hein. Bon, alors Marjolaine. Oui. Oui, on va donc donner la réponse maintenant à la colle juste avant de faire la suite du canular avec Steve. D'accord? Ok. On va donc appeler le gagnant éventuel ou la gagnante éventuel. Pour ça, on va tout simplement appeler quelqu'un qui a été tiré au sort sur le Facebook ou sur le Twitter ou sur les SMS. Bon, alors, on va y aller, Marjolaine, c'est parti, on appelle le ou la gagnante. Si il ou elle décroche et répond correctement à la question que tu vas lui poser, il ou elle va gagner et là tu perds. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, tu gagnes, d'accord? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, bonne chance Marjolaine. Allez, ça va bien se passer. Allez. Ça s'annonce plutôt pas mal pour toi, Marjolaine. Ah, ça serait cool, hein. Ah, tu m'étonnes. Ah oui, non, merde, attends, je me suis trompé de ligne du coup. Ah merde, excuse-moi, je te jure, promis que je me suis trompé de ligne. Il y en a une où il fallait appeler un mec, d'ailleurs par rapport à Kevin. Et il y en a une où il marquait gagnant éventuel de la colle. Promis, je te jure que je n'ai pas triché. Ouais, non, il n'y a pas de soucis. Non, mais vraiment, parce qu'on pourrait croire que genre ça décroche pas. Tu on vois, a failli rappeler le canular. Ouais, putain. Bon, déjà au moins ça sonne. Ça décroche pas, cela dit. Hein. Mais bon, promis, j'ai pas triché. Bon. Attends, j'aurais aucun intérêt. Allô. Merde, vraiment, j'ai pas triché, promis. Allô, comment tu t'appelles? C'est Nico. Salut Nico, comment ça va? Salut. Ça va bien, vous? Eh ben, ça va bien aussi. Salut Polo. Salut. Eh, Polo contre le reste du monde tout à l'heure, hein, dans une heure, hein, soyez là. Bon alors, comment tu t'appelles? Nico, comment tu vas? Ça va très bien. Vous. T'appelles d'où? J'appelle, je suis du sud. Du sud, très bien. Est-ce que t'as la réponse à la colle que Marjolaine va te répéter maintenant? Bien sûr. Allez, vas-y Marjolaine. Salut, alors la colle, c'est je suis de tous les jours. Je recommence. Oula, qu'est-ce qui va pas, Marjolaine? Je ne sais pas parler. Eh ben, on remarque ça, vas-y, répète. Je suis de tous les jours, je retrace des événements, je porte une majuscule quand je parle de celle des hommes. Qui suis-je? Alors, vas-y, Nico. Oh, je pense... C'est l'histoire. C'est l'histoire? C'est l'histoire, tout à fait. Marjolaine? Et c'est la bonne réponse. Hey. Bravo Nico, le smartphone est pour toi. Et Marjolaine? Oui. Bon, comme je me suis trompé de ligne, machin, etc. Alors j'ai plus de smartphone, désolé. Mais en revanche, si tu veux, on peut te filer un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà Marjolaine. Bon, ça vaut quand même quasiment 100 euros. Tu vas pouvoir te faire plaisir et tout, ça va être génial. Ouais, génial. Et le plaisir qu'il va te procurer est bien plus important que celui qu'un téléphone aurait pu te donner. Ah oui, c'est clair. Ça dépend si tu peux te mettre le téléphone. Non mais tu peux avec le vibreur. Oui, c'est possible aussi. J'ai une grosse chatte quand même. C'est pas pareil. Bon ben bravo Marjolaine quand même. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Et une bonne nuit aussi. Merci. Je t'embrasse, à bientôt Marjo, ciao. Et puis bah bravo Nico, hein. Toi tu restes au standard aussi. On va prendre tes coordonnées dans quelques minutes, d'accord? Merci. Bah, avec plaisir. Salut, ciao à toi. À bientôt. Bon Steve, ça y est, on va rappeler la famille, hein? Les amis? Ouais. Alors, tu parles d'amis, tiens, ton bien c'est dans la merde là, tu vois, pour le coup. Hein. Bon, allez, c'est parti, on y retourne. Bouge pas de là, Steve, là. Allez, hop, c'est parti. Bonjour. Merde. Sur la messagerie. Oh, le relou. Il nous a mis sur le répondeur, tu le crois? Dis donc, il ose plus décrocher la police. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. Bon bah écoute, le seul truc que je te propose Steve, c'est qu'on lui laisse un message sur le répondeur pour lui expliquer que c'était une connerie et que tu l'insultes parce que du coup t'as perdu. Ça c'est sa meuf ça. Ah ouais, c'est ça à cause de sa meuf, c'est une connasse. Bonjour. Ouais. Bonjour. Merde. Vous êtes sur la messagerie. Bon on va lui laisser le message, tant pis hein. Ouais. Veuillez laisser votre message après le bip. Putain, espèce de gros con, va, t'es en direct sur Fun Radio, t'aurais pu décrocher. Eh ouais, ouais. C'est ça, du coup, les cadeaux passent sous le nez, là, bravo. Putain. Adjudant Michel au téléphone. Oui, je brigadier Fouchard. Ouais, Fouchard, oui. Franck Dufour, enseignement généraux. Exactement, ouais. Voilà. Oh putain, il nous a déçu Loïc là. Ouais. Mais ça, c'est tu vois en fait, c'est parce que il a eu peur de de sa meuf que de la police. Ouais, c'est ça. Ah, dommage, déception totale. Eh ben, c'est pas grave du coup, bah, les cadeaux dans le cul. Merde, ça a marché quand même. Bah ouais, mais non, ça a pas marché puisqu'on a pas réussi à l'avoir là, tu vois bien. S'il avait décroché là, bon, on aurait pu dire, mais là, il décroche pas. Donc, la faute de Mélissa. Exactement, voilà, voilà, voilà. Bon bah écoute, c'est pas grave, tant pis. Bon bah à bientôt quand même. Ouais, merci hein. Salut à toi, ciao à toi Steve, bye. Allez, bye. Bon bah du coup, c'est pas grave. Tu voulais rajouter un truc Steve? Ouais, ça peut faire une dédicace du coup aussi hein. Eh bah vas-y alors du coup, j'espère que tu vas pas saluer ton pote hein, qui crève. Sale chien. Il doit dormir là. Non mais à la limite je crois qu'il dort pas vu l'attention qu'il doit avoir là. Oh, si, là à la limite, à la limite lui, bon passe encore, mais elle, pique. Tu la salues pas hein. Elle nous a flingué le truc. Ouais. Lui je pense qu'on aurait pu le traîner dans la boue. Ouais. Mais elle. Ouais, c'est sûr qu'elle aurait pas été là, c'était bon quoi. Putain, c'est clair. Bon allez vas-y, fais ta dédicace quand même, t'auras gagné ça. La petite dédicace pour mon pote Flo, Adrien sur l'île aussi, et puis Morgan, pas tous mes potes. Bon, eh ben très bien, parfait. Voilà. Ben, on embrasse tout le monde. Bon, ben quand même, salut à toi, et puis à bientôt, Steve. Ouais, merci, pareil. Salut. Allez, ciao à toi. Et si vous voulez faire un petit canular, eh ben n'hésitez pas, on remet le couvert la semaine prochaine. Vous envoyez simplement, enfin, vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Lydie qui dit, ah, c'est con pour le canular. Bah oui, mais c'est comme ça. On peut pas toujours réussir non plus, hein. Mais parfois, oui. Parfois, les aléas du direct, comme on était bien parti pourtant. Et Chotard était au top. Ah bah je t'ai arrêté là. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Le roi des bâtards. Mais ouais, Yacine également, dommage, on s'est bien marré avec eux. Oui, c'est con. Mais la prochaine fois, peut-être avec vous si vous êtes bon, si vous avez envie de gagner des cadeaux là. Et Fredes 34 qui dit on rappelle les amis de Steve là, mais c'est le répondeur manque de bol. Bah oui. Et Akinator. Akinator qui est de retour depuis le temps qu'on t'avait plus vu toi. Viens de me donner la photo de Tov, je suis choqué. Un coup de pelle et en plus et ça ira mieux. Bah avec plaisir, tiens. Voilà. Et alors Kali aussi qui dit dommage pour lui, il était bon le canular. Ah oui, c'est con, c'est con. Il aurait décroché l'autre, on lui aurait dit que c'était Fun Radio et puis bah voilà, il repartait avec le cadeau, mais là c'est raté. Bon bah c'est comme ça, Adeline aussi, Rodeg, c'était pourtant bien parti, la meuf a tout fait tomber, là, trop bête. Eh ouais, eh bah tant pis pour elle. Une meuf relou ça. Ah bah complètement, complètement. Bon, avant de faire les appels avec Toff, on va prendre Jean-Philippe avec nous. 21 ans d'Orléans là, salut Jean-Philippe. Jean-Philippe. Salut Mickaël. Ça va toi, Jean-Philippe. Non, c'est pas Jean-François, heureusement. Ça va bien Jean-Philippe? Ça va, et toi? Bah écoute, ouais, ça va, tranquille, hein, pépère, à la cool, tranquille. Bon, Jean-Philippe, toi tu voulais réagir par rapport à ce que Cameron Diaz avait dit? C'est-à-dire que toutes les femmes, apparemment, ont une tendance homosexuelle en elles. Chez certaines, c'est déjà sorti, chez d'autres, ça ne l'est pas encore, ça ne sortira peut-être jamais. Mais malgré tout, c'est quand même à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, bah c'est un fait avéré parce que il se trouve que bah plusieurs de mes ex étaient lesbiennes avant que je les connaisse. Bon, ouais. Elles l'ont toujours été pendant quand j'étais avec elles. Et ma copine actuelle, je l'ai rencontrée lors d'un plan à trois avec une autre fille. Oh bah alors, sympa ça. Et tu dois être un gosse beau toi pour réussir à détourner des lesbiennes. Eh bah figure-toi que pas du tout, non, je suis tout à fait normal. Là, je ressemble à Toff. Basique, non mais comment tu fais pour... Pas non plus, faut pas abuser quoi. Je mange ta mère. Hey, mais comment tu fais? C'est génial. Quoi? C'est ouais, quoi, j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi. Hein. C'est pas un don. Mais attends, mais la meuf elle est débile, c'est tout. Oui, mais... voilà, c'est exactement. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Parce que voilà, donc c'est, elle a des tendances lesbiennes, mais elle préfère les mecs. Mais donc, parce que Polo, lui, à mon avis, il a dû croire qu'elle était complètement lesbienne, puis il a dit comment t'as réussi à détourner une meuf lesbienne, mais elle est pas détournée, c'est juste que tu l'as pris du bon côté. J'ai une ex qui était totalement lesbienne. Ah, tu vois? Ah ouais? Mais là, je l'explique pas. Hein. Bah, explique. Bah, c'est qu'elle était peut-être pas vraiment complètement. Ouais, bah peut-être qu'elle était un petit peu. Ou alors elle était lesbienne, mais elle avait un côté hétéro qui dormait en elle. Qu'elle n'avait pas encore réveillé. Possible. Qu'elle n'avait pas encore révélé. Oui, c'est possible aussi, effectivement. Ouais. Bon, bah plutôt cool ça, dis donc. Ah, et bah j'ai pas me plaindre, ça c'est sûr. Ah, bah tu m'étonnes. Et ça fait combien de temps là que t'es avec elle? Bah, ça va faire un mois bientôt. Oh, c'est tout récent. D'ailleurs, j'ai fait un gros bisou. D'accord, bah nous aussi, du coup, hein. Ou tu dois avoir une grosse bite, toi. Pourquoi? Comment? Parce qu'il y a un truc, t'as un secret. Ouais. N'importe quoi. Un sexe énorme. Il a dit quoi, non, rien, c'est Polo qui disait qu'il pensait que t'avais une grosse bite. Non, mais je suis d'accord avec Polo. Figure-toi que c'est pas le seul à me le dire, en fait. Mais tu vois, enculé, sale pédé. Mais je veux pas me vanter ou autre, mais pour moi, je trouve qu'elle est normale. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Ouais, oh, ils vont rester calmes, les gens, là. Les amis Toff, là, ils vont se calmer un peu, ouais, là, parce que ça commence à bien faire. Normal en centimètres, ça fait combien? Normal, en vrai, je l'ai jamais mesuré. Genre, pop. Bon, allez, en gros, est-ce qu'elle fait plutôt 5, 10, 20, 25? Normal, sans érection, elle doit faire peut-être... Non, mais sans érection, on s'en fout, c'est en érection. C'est quand tu bourres que ça nous intéresse. Non, parce qu'une bite, parce qu'une bite au repos, ça peut être super petit, minuscule, et puis en bandant, ça peut être énorme. Mais oui, et vous avez... au repos, ça veut rien dire. Il a balancé une fourchette entre 15 et 20, ouais. Mec, c'est énorme, 5 cm de différence. Moi aussi, moi, elle fait entre 10 et 50. Ouais. Ouais, mais ça dépend aussi au niveau de la température extérieure. Ah, mais... il y a plein de facteurs qui ça dépend de quel pays je suis. La pression atmosphérique. La pression atmosphérique, ça dépend de plein de choses. Bon, bah d'accord, ok, Jean-Philippe, très bien. Bon, bah, merci d'avoir appelé, Jean-Philippe, tu reviens quand tu veux. Il y a pas de quoi. Y a moyen d'avoir un pack fun, s'il te plaît. Bien sûr, tu vas pas bouger, on va te filer ça dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Merci. Allez, à bientôt, Philippe. Jean-Philippe. Bon week-end à toi. Merci à toi aussi. Salut. Et n'oublie pas de prévenir tout le monde. T'as prévenu tes potes que tu passais ce soir? Ouais, bah j'en ai prévenu pas mal, mais la moitié dorme, donc ils sont relous, ils sont relous. Ah, en plus, pour te pas maler que t'avais une grosse bite, t'aurais pu quand même appeler plus de monde. Hein. Bon. Non, mais ça, je pense qu'ils sont au courant depuis le temps. Bon, genre. Bon, salut Jean-Philippe. Allez, ciao à toi, et puis on va faire d'autres appels avec Toff dans quelques minutes, on aura Stéphanie également, on devra avoir Olivier aussi pour réagir à ça, et puis on aura Cyril aussi, tiens, Cyril avec nous de Champdieu dans la Loire, dans le 42, salut Cyril. Il est tellement lent qu'il va répondre dans quelques secondes, ouais, écoutez, Cyril. C'est la lenteur du mec. Cyril, alors il s'est endormi, ça c'est possible aussi. Ah. Bon, c'est pas grave, Si vous avez envie de dire avec nous, bah surtout n'hésitez pas évidemment. Ah oui, putain, je vous ai mis une photo tout à l'heure sur le Facebook. Allez la voir, c'est improbable. C'est la meuf qui s'est retrouvée coincée dans une bouche d'égout parce qu'elle voulait récupérer son portable qui était tombé dedans. Mais je vous ai mis la photo sur le Facebook. Alors dites-nous si ça vous est déjà arrivé. En fait, elle est restée coincée avec ses nibards. Ils sont tellement gros. Ouais. On en voit un débordé là sur la droite. C'est incroyable. Donc dites-nous si vous vous êtes déjà coincé quelque part et surtout comment ça s'est terminé. Parce que la meuf de la bouche d'égout là, elle a dû faire appel aux pompiers là pour la sortir du trou. Improbable. Ah, moi je suis déjà resté coincé dans les chiottes. Quand j'étais petit, j'arrivais plus à ouvrir la porte. Pareil. Ouais, ouais. Moi j'ai plusieurs ascenseurs à mon actif. Ah oui, ascenseur. Volontairement et involontairement. Ah non, moi, volontaire. Non, involontairement, ça m'est arrivé une fois, je crois. Bah, il y a une fois où on était à deux déjà. Oui, exactement, ouais. On est resté une heure dans l'ascenseur de la radio. Très pratique. Et enfin, le problème, c'est qu'on n'était pas à deux, on était avec 4, 5 même. Ouais, 5. Et comment te dire qu'on n'était pas bien accompagné, si tu vois ce que je veux dire. C'est très dommage. C'était, oui, peu moins en même temps. J'ai aussi les chiottes, je suis resté une heure quoi dans les chiottes. C'est-à-dire que ça va, tu acceptes le truc, mais ouais, la dernière demi-heure, t'en peux plus, t'as envie de péter la porte. Ah bah bien sûr. Et une fois, j'ai réussi un exploit, c'est-à-dire qu'à Montparnasse, il y a un cinéma. Et je suis resté coincé entre deux. Dans le cinéma, ah non. Entre deux portes vitrées, je sais pas comment. Dans un sas, tu sais ce que je faisais comme un gogol. Je tapais, je disais aux gens de m'ouvrir de l'extérieur. Tu sais quoi, les gens ils partaient en faisant, ils me faisaient signe comme ça. Ouais, en fait, ça. Ils pensaient que je voulais pas rentrer. En fait, ils pensaient que je voulais escroquer le cinéma et tout. Et moi, je les insultais. Ça m'étonne que tu les insultes, pas ce style là pourtant. J'ai essayé d'appeler le cinéma, j'étais vénère et en fait, heureusement, il y a un mec, il a un vieux qui voulait sortir. Ouais. Et je lui dis, mais vous inquiétez pas, je vais pas escroquer. Mais vous faites ce que vous faites, vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Et puis je suis rentré, je me suis sauvé. Bon, bah, je suis resté 20 minutes. Ah, quand même, ouais. Très bien. Bon, dites-nous si vous êtes déjà resté coincé quelque part, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on écoute le son qu'on avait demandé tout à l'heure à Vichy, Addicted to You sur Fun. I don't know just how it happened. Avicii sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub, c'était Addicted to You. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, minuit 57, Let's Be Freaks qui dit j'ai plusieurs ascenseurs à mon actif en termes de si vous étiez déjà coincé quelque part, puisqu'on en a parlé, il y avait une meuf qui est restée coincée dans un égout, mais dans une bouche d'égout, tu vois, c'est-à-dire les trucs que tu trouves par terre, hein, tu lèves la plaque en acier, tu te glisses dedans, tu descends là, sauf qu'en fait elle a une poitrine tellement imposante qu'elle est restée coincée, son téléphone est tombé, elle a voulu le rechercher, elle a dû appeler les secours parce que bah, ses nibards sont restés coincés. Je vous ai mis la photo sur le Facebook de l'émission. Allez voir, hein, ça vaut le détour. Facebook.com/MIKAÉL officiel. En plus, la meuf, elle avait un haut blanc. Alors, je sais pas quelle était la ressortie, mais ça doit être violent. C'est dégueulasse. Ah ouais, DJ Coma qui dit Polo coincé dans les chiottes, mort de rire. Je me demande s'il a fini par goûter sa merde. Non, pas après une heure quand même. Jordan également à fond, écoutez Fun Radio. Merci Jordan. Let's Be Freaks aussi qui dit ah oui, j'ai déjà lu plusieurs ascenseurs à son actif. Il y avait quoi également Bastien qui dit aussi je suis resté coincé dans la salle de bain d'un hôtel à Paris. Je ferme la porte, pour prendre une douche et là, merde, il n'y avait pas de poignée obligé de gueuler comme un porc pour que l'on vienne m'ouvrir. Bref, 3 heures dans la salle de bain. Génial. Oh, bah, il a le temps de bien se préparer quoi. Bah oui, tu prends un bon bain bien pépère et tout, c'est cool. Tommy aussi, désolé pour le retard, je mérite un coup de pelle. Eh ben même deux tiens. Voilà, un. Voilà. Et Camille avec un K, la plupart de mes amis sont homo ou bi, mes parents pensent que je les attire. Ah peut-être. Bah, peut-être, c'est possible aussi. Il y a Bach également aussi qui dit pété de rire, vous me tuez de jour en jour et c'est toi l'animateur préféré pour moi et je déteste personne de Fun Radio. Bah, c'est le principal. Merci Bach en tout cas pour le message, c'est très gentil. Allez, continuez avec vos messages. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. On fera d'ailleurs un top tweetos tout à l'heure évidemment à 2h du matin comme chaque soir. Et puis on aura aussi bien entendu le sextoy à gagner, je rappelle, évidemment. Celui qui est le plus influent sur le Twitter de l'émission, qui balance le maximum de messages avec ce fameux hashtag et Mickaël. Et il repartira tout simplement avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, on a le temps de se faire un petit top tweetos là en speed ou pas? Bien sûr. Comme ça on fait un petit topo là, une heure avant la fin de l'émission. Quel est le numéro 5 actuellement? Si on arrêtait là maintenant le site qui comptabilise vos messages, parce qu'en gros dès que vous envoyez un message avec le hashtag et Mickaël, le site les compte automatiquement. Donc on voit moment, on a un top 5 des gens qui balancent le plus de messages. Et en numéro 5, il y a Hugo Réau. Numéro 4, il aime bien la 5ème place, lui. Hein. Ouais, il stabilise. Voilà, numéro 4. Julien. Numéro 3. DJ Comac. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Let's Be Free. The comeback of Let's Be Free. Yes, of course. Ouais, pas mal. Bon, je rappelle donc, vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et avant 2h du mat, eh ben, on donnera le nom du gagnant, celui qui sera numéro 1. En attendant, on parlait de Cameron Diaz tout à l'heure. Oui. Qui disait que toutes les filles avaient un côté homosexuel. Et que parfois, elles le révélaient. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on aura Stéphanie, Magali et Olivier dans un instant pour en parler. Et donc, on va appeler maintenant quelqu'un des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On a pris un peu de retard avec le canular de Steve tout à l'heure, hein, mais c'est pas grave. On y va, on l'appelle. J'espère qu'il sera aussi fucking ouf que celui de tout à l'heure. Ça va être dur quand même. Hein. Ouais, la barre est très très haute. La barre était très très haute ce soir. On a commencé très très fort. Allez, c'est parti. On y va, on appelle. Il est 1h du mat tout pile sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer. Et ça ne décroche pas. Décidément, on a de la chance. Allô. Oui, allô, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait déjà eu des tendances homosexuelles. C'est une plaisanterie ou quoi? Ah non, pas du tout monsieur, c'est une question. Oui, bah allez vous faire foutre. Mais pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Allez vous faire foutre. Oui. Comme un match de foot. Oui, je vais aller me faire foutre. Oui, ah bah on va le rappeler du coup hein. Bah oui. Allez hop, allez vous faire foutre. Oui, mais c'est bien. Décroche plus maintenant. Oui. Oui, monsieur, c'est pas très gentil ce que vous dites. Oui, non, mais je vous le dis. Bah vous oui. Arrêtez de m'importuner ou je porte plainte, alors mais... vous me faites pas chier. Mais ça se fait pas, monsieur, enfin. Allô. Quel relou. Ah, il est vraiment relou, lui, par contre. Hein. Bon, on le rappelle encore un coup, tiens, hop là. On y retourne, même pas peur. En même temps, c'est pas nous qui prenons. Hein. Oui monsieur, ça se fait pas, la moindre des choses quand on vous pose une question c'est de répondre. Mais moi je vous emmerde. Mais non monsieur. Bah si si si si si, ça tu peux pas dire non, hein, il t'emmerde. Hein. On le rappelle? Bah oui. Bon allez. Ah il est cool. Ah oui, il a l'air très cool effectivement, oui. Allez. Et à chaque fois il met 2 heures à répondre, c'est dingue. C'est comme si le téléphone était à l'autre bout de la pièce. Alors qu'il a décroché, il n'y a pas d'anglais. Oui, monsieur, c'est pas gentil de vous énerver comme ça. Moi, je vous appelle gentiment. Écoutez, vous cessez immédiatement vos appels ou vous en coûtez. Mais il va me coûter quoi, monsieur? Vous êtes sur une ligne, en l'occurrence, qui est surveillée par la gendarmerie nationale. Oui. Et si vous continuez à m'importuner, je pense que ça va vous coûter cher. Ah oui? Mais ça va me coûter combien, à peu près? Écoutez, vous arrêtez immédiatement. Bah, oui, mais répondez à ma question, alors, monsieur. Putain, ils ont que ça à foutre les flics de surveiller sa ligne à Roger là. Bon, on va le rappeler Roger là. Mais oui, je sais pas si ça s'appelle Roger, mais enfin, je trouve que ça lui va bien. Oui, c'est mignon. Roger. Ou Gérard. Ah, Gérard, ça lui va bien. Gérard, c'est pas mal non plus, tiens. Bon, attends, on va le rappeler. Allez hop. Ma ligne est surveillée par la gendarmerie nationale. Bah, tant mieux. Quelle chance il a dit donc. C'est un abonnement ou c'est quoi? J'aimerais bien faire surveiller ma ligne aussi. Allez, c'est parti, nous voilà l'autre bout de la pièce là. Au bout de la maison du château. Et ça traîne. Oh. Oui, je m'excuse monsieur, mais vous avez toujours pas répondu à ma question. Ça va durer longtemps? Bah, le temps que vous répondiez à la question, monsieur. J'ai pas à vous répondre, là, vous me harcelez. Mais pas du tout, monsieur. Et là, je bosse demain. Oui, mais... Alors, vous me foutez la paix immédiatement. Mais oui, mais c'est vous qui êtes mal élevé, monsieur, vous répondez pas à la question qu'on vous pose. Vous êtes mal élevé, vous me faites chier. Vous voulez pénétrer dans ma vie privée et vous, vous êtes en numéro indisponible et vous faites le beau derrière. Mais donc pas... vous arrêtez. Mais pas du tout, monsieur. Vous arrêtez immédiatement. Mais répondez à ma question. J'ai dit vous arrêtez immédiatement. Et moi, j'ai dit vous répondez à ma question. Écoutez, cessez ce petit jeu immédiatement parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais vous non plus, monsieur. Ouais, non, mais là, nous, faut raccrocher, tiens. Ouais, mais il ne connaît pas. Ouais, bah non, bah ça, c'est sûr. Il y a Yacine qui dit j'ai l'impression que je connais cette voix, on dirait la voix de mon ancien patron. Écoute, Yacine, si t'as envoyé un numéro de téléphone, il est possible que ce soit lui. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours si vous avez le numéro de gens que vous connaissez, des amis, des ennemis, etc. Mais ça des ex, surtout les ex. Ouais, ça peut être des patrons, des ex-patrons un peu vénères. Hein. Vous pouvez nous donner le numéro. On le rappelle encore un coup, du coup. Ah ouais, une dernière, allez, pour une petite dernière, une petite dernière, allez. On rappelle Roger avec sa ligne qui est sur écoute, là, non, qui est analysé en temps réel par la police. Et on salue nos amis policiers, bien entendu. Oui, monsieur. Vous l'avez cherché, je préviens la gendarmerie immédiatement. D'accord, mais répondez à ma question avant. Mais il y a quand même un truc que je me pose comme question. Bon, on m'a jamais appelé comme ça pour me casser les couilles, c'est vrai, je l'admets. Mais si on m'appelle, à quel moment je me dis si je lui dis que je suis sur écoute, il va arrêter de me harceler. Ouais, il va avoir peur. Il va avoir peur, tu vois. Si je lui dis, monsieur, ma ligne est sur écoute de la part de la gendarmerie, donc arrêtez de m'importuner. Et à quel moment dans ta tête tu dis en lui disant ça, le mec il va avoir peur, il va arrêter. Et surtout que c'est pas la gendarmerie qui met sur écoute. Non mais attends, bon, ça après on n'est pas dans le détail encore. Mais ah bon. Si c'est important. Non mais quand même, c'est qu'à quel moment tu te dis. Et le pire c'est qu'ils le font tous hein. Oui. Oui, j'appelle les flics. Oui bah appelle. Alors mais... franchement j'aimerais bien appeler les flics juste un jour pour dire dire voilà il y a quelqu'un qui m'a appelé. Oui, combien de fois? Deux fois. Et alors nous on a bien la BAC qui nous appelle le soir hein, au standard. Ah bon? Mais il faut les passer, pourquoi je les prends pas? Numéro masqué. Oh bah c'est pas grave. Oui, bonsoir, c'est la BAC, on peut passer? Bah oui, qui vient. Bah vous êtes les bienvenus. Oui, non, il vaut mieux avoir la BAC dans sa poche qu'à l'extérieur de sa poche. Exactement, avec voilà. La matraque. Non, il vaut mieux avoir la BAC dans sa poche que la matraque dans le cul. Voilà. Ah, faut voir. La BAC nuit, d'ailleurs on salue toutes les BAC nuit. Exactement, on du 92, de 95. Et pour la BAC. Du 75, voilà. Du 93. Et pour la BAC. Voilà. Les lèches-cutes. Voilà, et vous remarquerez que Toff n'a pas chanté, donc il roule en autolib. Ouais, c'est un connard. Il sort de la radio vers 2h30 à peu près. Hein. Il m'a bien dit, la prochaine fois qu'il y a un mec de là-bas qui va me parler, je lui mets une patate. Voilà, exactement, et je lui mets sa matraque dans le fion. Vous le reconnaîtrez, il a un bouc assez bizarre en ce moment. Oui, exactement. Et il a un blouson comme un motard. Et il a une nouvelle coupe de cheveux très très courte. Ouais. Voilà, et ouais, j'ai raccourci un peu, mais j'aime bien. Et il a une veste noire également en cuir. Ouais. En cuir, voilà, c'est devenu un motard, c'est le rebelle. En motard, mais en autolib. Ouais. Je suis autolibard. Voilà, et alors quand il fait beau, il va en vélib et il met des petites cartes sur les roues pour que ça fasse le bruit de la moto. En fait, je colle des cartes de visite sur les roues. Oh le truc de merde, non. Avec des pinces à linge, tu sais, pour que ça fasse le bruit de la moto là. Le moteur. Et putain, je dois pédaler hein, pour que ça fasse le bruit. Il fait avec la bouche. Ouais, c'est ça. Non, oh, voilà, donc, les mecs de la BAC, pouvez venir à la radio, 20 rue Bayard. Vous allez le voir sortir tout à l'heure. Alors ne confondez pas les deux mecs qui vont sortir ensemble, parce que moi aussi j'ai une veste en cuir noir. S'il y en a un qui, si on est à deux, c'est pas nous, c'est Polo et moi. Donc là, on aime bien la BAC. Mais quand il y en a un qui va sortir tout seul, voilà. Là, vous attaquez. Coupe en brosse, grisonnant. Ouais. Blouson avec un sac à dos. Ouais, moi aussi j'ai un sac à dos. Mais pas, à ne pas confondre. Bon bref, un mec tout seul, vous tapez. 20 rue Bayard. Voilà, vous pouvez y aller. Bon, il y a Michel qui dit, vous déchirez, continuez comme ça. Merci Michel. Anaïs sur le Facebook. Moi, je suis resté dans une plaque en fer. Je marche et j'ai pas vu. Je suis tombé dedans. Impossible de retirer la jambe. Ah oui, bah tu m'étonnes. C'est bien galère ça. Christophe aussi. Moi, je suis resté coincé dans l'écurie de ma grand-mère avec presque pas de lumière. Et c'était la nuit, j'ai flippé, j'ai dû gueuler comme un malade pour qu'on m'entende. Et est-ce que je peux avoir un message de bienvenue bien hard? Oui, alors Christophe, attends, ne bouge pas. On va essayer de te trouver ça. Oh bah j'ai toujours mon favori là, que c'est vrai que je l'ai pas mis aujourd'hui encore là. Tiens, il est pour toi Christophe. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère. Et après tu pourras parler. Voilà, et je n'ai bien évidemment rien contre ta mère, je ne la connais même pas. Mickaël Apéro qui dit, ça me rappelle, il y a un moment de ça, je m'étais fait arrêter et la BAC écoutait Fun Radio, mort de rire. Ah et, ouais. Mais la BAC a du goût. Mais bien Kali sûr. Également qui dit, exact, c'est pas les gendarmes qui mettent sur écoute, par contre, ils vous écoutent Fun et la police aussi. Oui, nous sommes premiers sur la gendarmerie et la police. Ouais. Et comme la BAC également. Comme quoi, il avait pas tort, hein, la gendarmerie, enfin la ligne était sur écoute par la gendarmerie. Eh, pas faux. Agathe également, moi j'ai réussi à coincer mon cul dans une chaise de grosse. De gosse, pardon. Ah. chaise de gosse. Chaise de grosse. Non mais ça c'est quand on lit vite. Alors gosse et grosse, excusez-moi, mais il n'y a qu'une seule lettre qui manque. Hein. Sarah également, tu m'as dead, là vous m'avez tué tout à l'heure. Et Gink également, ou Jenka. Moi je déteste Cyril Hanouna, Nico, c'est Patrick Sébastien, hein, par rapport aux animateurs qu'on aime et qu'on n'aime pas, bien entendu. Bon, alors en parlant de... Il y a gendarmerie, il y a Patrick qui est avec nous, là, de la Ciotat, là. Ça va la gendarmerie? Oui, bonsoir, oui, c'est la gendarmerie nationale. Patrick, à l'appareil, j'écoute. Comment présenter vos papiers? Eh oui. Eh, attends, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse mieux, là. Attends, on va le faire correctement, là. Merde. Liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Mais ça existe encore, ce truc? Voilà, je pense pas, non. Bon, comment ça va, Patrick? Ouais, ça va, la pêche, hein, et ouais. Vous? Eh ben on va plutôt bien aussi, hein. Et... Je vois que vous vous éclatez là sur le plateau. Là. Bah oui, mais en plus on était mis sur écoute plateau, là apparemment, ouais. d'après le mec là. apparemment. Ah ben oui, il était énervé, il est en colère, il est furieux. Hein. Mais apparemment, hein, c'est dingue ça quand même. Hein. Bah, il est furieux, hein, il se lève à 5h du matin, c'est normal qu'il est furieux. Oui, mais enfin on n'est pas dans les... Et nous aussi on se lève tôt, hein. Bah tiens, à midi. Enfin, ouais, mais bon... Mais bon, il faut cesser un petit peu les conneries, quoi. Oh, ouais. Oh, dis Patrick, dis donc. Hein? Et alors on c'est... peut faire ça la journée, mais pas la nuit. C'est bah oui, mais on nous laisse pas faire l'émission la journée, nous on demande pas mieux, mais on veut pas. On nous a dit hop, au placard les gars, là. Bon bah nous on est la nuit. Ah d'accord, alors pourquoi vous appelez pas la gendarmerie plutôt? Ah d'accord, moi mais aussi. Mais on pourrait, Atof pourrait, mais est-ce que c'est possible bah oui, de... pour changer un petit peu. Bah oui. C'est vrai, est-ce que tu connais des collègues à Paris ou pas toi? Ou vous avez pas de relation? Les collègues à Paris? Non, je connais que mes collègues du sud-est et du sud-ouest. Ah d'accord, parce qu'il y a une caserne ici juste à côté, hein, à côté de Matignon, il y a une caserne. Non, parce que ce serait bien que il y a des gendarmes qui viennent, qui embarquent off là, hop, 24 heures de garde à vue. Hop là, terminé. Non, 96 heures, pas quand même. Bah c'est parfait, c'est encore mieux. 96 heures. 96 heures, c'est terrorisme. Eh ben alors t'es un terroriste. Ah d'accord. Ah non, j'ai pas dit ça, mais 96 heures au minimum. Eh ben c'est parfait. Et je pourrais prolonger la garde à vue. Fais-moi une semaine, hein, comme ça je suis bien. Ouais, oui, c'est ça. Le génois est blanchi, il sera content. Eh, dis-moi, Patrick, le régime, ça va cartonner. Oui. Hein. Eh Patrick, normalement on vient faire l'émission pour la fête de la musique à Marseille là. Tu vas passer nous voir avec la brigade. Je suis pas à Marseille. Ah merde. Ah bravo. Ah t'es à La Ciotat. À La Ciotat, je suis à 35 km de Marseille, mais je n'y vais pas, je passe pas à Marseille. Ah il a pas raison, ça c'est des connards, ouais, t'as raison. Tu ne passes pas à Marseille, d'accord, ok. Voilà, exactement. Bon, quand il doit prendre le bateau, il va jusqu'en Espagne, il s'en fout. C'est ça, ouais. Exactement, ouais, très bien. Bon, ah bah merci en tout cas Patrick d'avoir appelé. Hein. Tu reviens, tu repasses quand tu veux, et puis allez la gendarmerie. Allez la gendarmerie. Voilà. Allez la gendarmerie. Eh, t'es où là? T'es dans la voiture en patrouille ou t'es à la caserne? Bah on est à la caserne, on est en train de boire un coup là. On attendait qu'il se passe un truc, mais il se passait rien. Ah, eh ben c'est bien. Ouais, t'es en train de boire un coup là. Mais t'as bien raison, voilà. Allez, santé, hein, Patrick. Voilà. Hein. Sur le compte du trou de la sécu en fait. Exact, voilà. Du contribuable. Mais t'as bien raison. Exactement. Ça marche. Absolument. Allez, salut Patrick, et salut les collègues. Je vous souhaite une bonne nuit. Eh ben merci. Bah, pareil à la gendarmerie. Et soyez prudents. Hein. Mais toujours, pas de problème. Salut bien, Patrick. Allez, à bientôt. Allez, ciao à toi. Attends, je vais en mettre une. Bye. Voilà. Bonsoir inspecteur. Allez hop là, c'est parti. Puis on va prendre Tony dans un instant qui est resté coincé dans un endroit également là. Tony de Caen, ça va Tony? Ouais, ça va et vous? T'es en forme? Salut Mickaël. T'es en forme? Ouais, nickel et toi? Très bien, fais attention, j'ai le bras long maintenant, je connais Patrick de la gendarmerie de la Ciotat. Alors faites pas les malins, sinon moi j'appelle mon poteau. Ok, c'est clair? Ouais. Alors du calme Tony. Bon, t'es resté coincé dans un endroit, on va en parler dans quelques minutes. Ok, y'a pas de soucis. Eh bah bouge pas de là, on va se mettre aussi le nouveau son. Ah oui, tiens, je passe tant, j'ai entendu. Nouveau son de Deoro là, remixé par. David Guetta. Par Mico C. Bah oui, évidemment. Allez, Five Hours. C'est mieux que David Guetta. Bien sûr. On écoute ça maintenant sur Fun Radio. Reste avec nous, Tony, on te reprend après. Stéphanie Magali et Olivier pour parler des relations bisexuelles. Et puis Kevin également, qu'on va prendre dans quelques minutes. Bienvenue si vous arrivez. 1h14. On est en direct, on est à la cool, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Deoro sur Fun Radio, remixé par Mico, c'est la Five Hours. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, et n'oubliez pas celle-ci d'action aussi hein, ce week-end. Hein, si vous voulez faire des dons, là, même quelques centimes hein, sur cette prime, même un euro, symbolique, n'hésitez pas. Vous faites le 110 et bah, vous pouvez donc justement faire vos dons tout le week-end. Il y a Anthony qui dit c'est quoi le titre de la musique? Bah, c'est 5 hours, donc 5 heures quoi en anglais. 5 hours. Julien qui dit bon son comme toujours. Eh bah oui, Julien, normal en même temps. Hein, Made in Fun Radio. Il y a Aurélien aussi. Putain, allez, je me tire, bonne nuit, continuez comme ça. Continuez à rendre fou les gens, il n'y a que ça de vrai. Eh oui, Aurélien, allez, bonne nuit à toi. Quelle petite bite quand même, Aurélien. Là, 1h17, tu vas déjà dormir là. Oh là là. Sérieux? Oh là là. On dirait un doux. C'est vrai, ça se trouve c'est un doux. Il y a Michel qui dit une fois dans les tourniquets pour l'entrée du boulot, une femme qui avait acheté des plateaux d'œufs, elle a voulu pousser le tourniquet avec la tête, mais elle se l'est coincée. On était morts de rire et c'est quoi? C'est la maintenance qui a dû la décoincer. Oh là, ah là, oui, la pauvre. Attention avec ces conneries. Tiens, Tony avec nous là de Caen là. Tony, t'es là? Ouais, Mickaël. Oui. Nutella. Très bien. Bon alors, ça, voilà. Alors, Tony, t'es resté coincé où, quand, comment, pourquoi, avec qui, raconte tout. Bah, alors, quand, il te l'a dit. J'étais en soirée, tu vois, bien arrosé. Ouais. Et je m'en vais pas pour pisser, mais vu que je tenais pas debout, j'ai voulu pisser assis. Et je suis tombé entre le mur et les chiottes. Tu tenais pas debout, bien entendu, parce que tu avais la tête qui tournait, parce que t'étais un peu malade. Voilà, exactement. La grippe, quoi, la grippe. Ouais, voilà. Une bonne grippe alors. Une très grosse grippe. Ah, bon. Oui. Très bien. Et du coup, je suis tombé entre le mur et les chiottes. Ah, et dommage. Du coup, vu que tu vois, je suis un peu corpulent, et, du coup, c'est les pompiers qui étaient obligés de venir. Oh, non, oh, t'es pas sérieux, les pompiers ont dû venir. Ouais. Oh putain. Ils ont défoncé les chiottes. Ah bah oui. C'était marrant, mais. Ah, le patron du bar, il devait être content. Ah oui, il devait être content, le bar. Ah, le boss. Chez mon pote. Ah, il devait être content, les parents, là. Ah ouais. Oh putain! Oh, ça va, j'ai payé la moitié des chiottes avec eux. Et l'autre moitié? Et l'autre moitié, c'est eux. Ah bah, Léo, il va être content quand même, hein. Je peux te dire que moi, si j'ai un mec qui vient chez moi et qui détruit mes chiottes parce qu'il est bourrin, je peux te dire qu'il rembourse tout ce qu'il pète, hein. Ah, c'est bien, mais bon, c'est des bons amis. On va dire. Bon, encore heureux, d'accord, ok. Donc, coincé à cet endroit. Sandro, t'es déjà resté coincé quelque part, toi? Je sais, là tout de suite, je. Bon, à part dans une piscine de bouffe. Je veux dire, dans un frigo, bon, parfois elle s'enferme. Oui, dans chez son moi, frigo. J'ai déjà été enfermée dans ma propre maison. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois. Mais t'as pas les clés de chez toi? Ben, je les avais pas ou j'ai trouvé pas. Ou, enfin, ça les avait mangés. Fallait que j'attende de les chier. Dans un. Non, c'est tout. C'est tout? Ouais. D'accord, ok. Moi je réfléchis, non mais c'est tout aussi, hein, par l'ascenseur où je suis resté coincé. Et les chiottes, quand j'étais petit, j'avais fermé la clé parce que je voulais je voulais être grand, je fermais la porte à clé et puis après comme un con j'arrivais plus à ouvrir. T'as réussi à ouvrir, ouais, bah, ça arrive à tout le monde. Évidemment. Et puis mon père il a dû revenir. Mais, le problème c'est que il fallait pas péter la porte parce qu'on louait l'appart. Ouais. Il fallait pas casser la porte. Et c'était des chiottes qui n'avaient pas de fenêtre, donc impossible de rentrer quoi. Oh, donc il était là avec un fil de fer en train d'essayer de faire tourner la clé. Bon, il a réussi puisque je suis là aujourd'hui. Sinon je serais encore dans le truc là en train de bouffer de la soupe puisqu'il m'aurait nourri comme ça. Hein. J'aurais été bien. Avec un tuyau. T'imagines, avec un tuyau et de la soupe. Et il aurait passé comment on appelle ça? Du pain de mie au fer à repasser pour te les glisser sous la porte. Exactement. Non, ça aurait peut-être pu passer, l'autre, hein, mais bon, ça m'aurait fait chier. Hein. Bah oui. Ouais, pour le coup. Ah oui, enfin, aussi un peu. Bah oui. Tiens, il y a Jean Labouette également. Bonsoir de la BAC 78. Ouais, oh, la BAC 78 représente. Eh oui, bah venez à l'occasion, pas loin de la radio, la 78. Je sais pas si vous. Est-ce qu'ils peuvent bouger comme ça ou ils devraient rester dans un secteur? Non, je crois qu'ils peuvent pas. Non, ils sont dans le secteur. Ah, dans un secteur, ils ont des patrouilles à faire. Hein. D'accord, ok. Bon, si vous êtes tout près de la radio, là, dans le 8e arrondissement. Et la BAC nuit, Paris, hein, la plus violente. Et la plus puissante. Ah, ils doivent être sur les champs, là. Ah, bah ouais justement. et que vous voulez. Casser du blanc là, Yatov. Attention, pas, c'est un blouson noir maintenant. Attention, blouson noir et tête de balai. Eh ouais, attends, je suis un Notolib Angels maintenant. Eh ouais. Il y a Aurélien qui dit merci pour ce bout de toute l'équipe, bande d'enculés, chacun un coup de pelle. Aurélien, tu as fait arrêter de faire le malin. C'est toi qui vas dormir, pas nous. Hein. C'est comme si moi je disais, bon les mecs, je vais dormir. Non, je suis là jusqu'à 2h, voilà, tout simplement. Donc Aurélien, t'aurais pu rester, voilà. Mais pour du coup, hop, coup de pelle, mais pour ta gueule. Bon, merci Anthony d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ok, est-ce que ça serait possible d'avoir une petite photo dédicacée de l'équipe? Oui, évidemment, on va Et un petit pack fun en même temps. Ben, on va te renvoyer ça, je vais te repasser Sandro, que tu vas déranger puisqu'il était sur son iPhone en train d'envoyer des tweets. Hein. Donc, ça tweet. Voilà, donc tu risques d'attendre, il y a un petit quart d'heure d'attente au standard, hein, mais on va te reprendre là. Non. On va faire un petit message, c'est comme quand t'appelles dans les numéros de téléphone, les services après-vente, ça... Toutes les lignes sont occupées. Oui. Ne quittez pas. Temps d'attente au-delà de 5 minutes. Un opérateur va prendre votre appel. Temps d'attente au-delà de 5 minutes. Alors, quand ils disent au-delà de 5 minutes, tu sais que t'es mort. Hein. Et en fait, ces connards, des fois, ils te prennent. Oui, attendez, ils te prennent. Exactement. Bah, c'est pareil. Hein. Je te repasse Sandro là. Salut Tony. Salut, à la prochaine. Allez, ciao à toi. Il y a Bilal également de 22 ans de Bruxelles. Salut Bilal. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Ça va bien ? Salut Bilal. Oh, tranquille. Bon, tranquille Bilal. Alors, t'es resté coincé où toi ? Moi, je suis resté coincé à l'arrière de ma camionnette en fait. À l'arrière de la camionnette ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est genre un mini-fourgon ? Ouais, le camionnette de travail, tu vois. Ouais. Donc, moi, je vais. En fait, je sais pas si je suis avec ma meuf. T'étais avec ta meuf ? Bah, c'est bien ça. Donc, je vais derrière. Ouais. Donc, elle a peur, donc je lui fais non, t'inquiète, on va t'en voir sortir. Ouais. Je lui montre, j'ouvre, je claque la porte, je lui ouvre. Puis à la fin, je claque la porte, on sait plus sortir. T'inquiète, je gère. Avec moi, tu risques rien. Regarde, ça s'ouvre, ça se ferme et ça s'ouvre plus. Ouais, parce qu'au début, je claquais doucement, mais en fait, à la fin, j'ai claqué fort. Et puis voilà, elle prend son téléphone pour appeler quelqu'un. Pas de batterie, je prends mon téléphone et j'appelle. Ça sonne une fois, mon téléphoniste s'éteint. Oh là. Et vous avez fait comment alors? En fait, et en plus dans la camionnette, tu vois, il y a un grillage. Les gens, ils croyaient qu'on était des prisonniers ou je sais pas, ils passaient, ils nous regardaient comme ça. Ah ouais, d'accord. Et alors, figure-toi que c'est des flics qui sont venus. Ils sont venus nous ouvrir et ils m'ont mis un PV. Pas un PV, ils ont pris mon nom, quoi. Ah ouais, comme quoi. PV. Ah, dis donc, vous êtes garé là, vous avez le petit ticket là, il est périmé. Ouais, mais je suis coincé depuis une heure. Ouais, bah, il est périmé quand même. Hein. C'est pire, parce qu'ils ont bien. Ils m'ont dit la prochaine fois, c'est comme si. Comment on dit l'exhibitionnisme, je sais pas quoi là dans mais, la ils sont sérieux, mais vous étiez en train de baiser, bah non. Non, mais ils ont. Ouais, mais ils ont supposé ça. Que vous aviez baisé et que c'est pour ça que vous étiez coincé. Ouais, peut-être. T'aurais dû dire, on était dans la canette, on travaillait, puis il y a un pote, il a fermé la porte, c'est barré. Oui. Oh, voilà, l'affaire était pliée. Enfin, en même temps. C'est ça que ma meuf avait peur et tout. Bah oui. C'est quoi. C'est ça le problème. Et puis, tout. Et puis les flics sont repartis, moi j'étais là stressé. Là, tu m'étonnes. Et après, ta meuf, du coup, elle t'a viré ou elle t'a laissé une chance quand même? Ma meuf. Ouais. Après, non, elle m'a laissé une chance. Il y a eu plein d'histoires avec ma meuf, des trucs de coincés partout, mais... Ah, toujours coincé. T'es resté coincé dedans aussi ou pas? Non. Non, bah, ça va. Et ça arrive, hein, y a des gens qui sont coincés dans leur meuf. Mais ça, c'est horrible. T'imagines, tu dois aller avec ta meuf, t'es dans... À l'hosto où t'appelles l'ambulance. Tu dois appeler l'ambulance. Moi, j'ai une copine qui bosse dans les services d'urgence. Et ça lui est arrivé une fois de devoir aller chercher un couple qui était comme ça, coincé l'un dans l'autre, quoi. Ah, oh, putain. Mais comment c'est possible? Tu sais, une fois, elle est restée coincée dans mon armoire, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle foutait dans ton armoire? Bah, y avait ma maîtresse qui arrivait. Ouais. Non, c'est pas ça. En fait, je vis chez mes parents et je voulais pas qu'ils la voient, donc je l'ai mis dans l'armoire. Ah ouais, merde. T'es ouf, toi. Après, oh, énorme. Oh, Bilal, il est bon. Elle est restée coincée, mais elle restait coincée, donc qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents, j'ai attendu qu'ils sortent, puis j'ai pété l'armoire avec une hache. Oh là là, et j'ai raté l'armoire, elle est morte. J'ai ouvert la tête en deux. Ouais, j'ai fini dans son crâne. Non, je pouvais pas ramener les pompiers, tu vois. Non, évidemment, j'imagine bien, ouais, surtout si tu dis pas à tes parents qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Pourquoi t'as appelé les pompiers, Bilal? Bah en fait, il y a une meuf dedans. Ah bon? Oui, vous cherchez pas à comprendre. Tu m'étonnes. Bah Bilal, merci d'avoir appelé en tout cas. Ouais, merci à toi. Je voulais juste te dire un petit truc. Dis-moi. Continue comme ça, franchement, vous êtes au top. Oh, c'est gentil Bilal, merci beaucoup. Moi, je t'écoute depuis le morning, franchement. Ah ouais, top. Bah c'est gentil ça. C'est gentil Bilal. Et d'ailleurs, on sera à Charleroi d'ailleurs le 20 avril, tu passeras nous voir là. C'est ça que je devais te demander, ouais. Bah oui, bien sûr. Charleroi, on sera. C'est quel jour? C'est dimanche 20. Dimanche 20 avril, 20h minuit. Ouais, bah, et l'adresse, vous l'avez... Ah, pas encore, mais c'est la friterie Alba. Attends, on va te la donner, c'est dans le Charleroi Nord, tout près de Ville 2. Ok, voilà. Mais on mettra l'adresse sur le Facebook, on en parlera et tout. Là, t'as l'adresse, toi, pas? Je te la donne, là. Alors, vas-y. Alors, vas-y, allez, vas-y, plus vite. Mais vite, c'est l'internet, là, il est... Allez. Putain, c'est lent. C'est ah bah oui, c'est lent, là. Ah, voilà. Donc, c'est 34 rue Caillaudry. C-A-Y-A-U-D-E-R-I-E. Voilà, de toute façon, on mettra l'adresse sur le Facebook, de toute façon. D'accord? Ok. Bon, et bah, juste un petit truc sur Toff, s'il vous plaît. Dis-moi. Ouais. Ouais, c'est un bouffon. Franchement, ouais. Toff, sa place, elle est là. Hein. Elle est pas dans le morning, parce que le morning, il faisait rien. Parce que l'année dernière, on faisait le morning et l'année d'avant aussi sur Fun Radio en Belgique. Et ouais, non, mais il faisait aussi, mais moins là. Mais là, il est content. Ouais, parce que maintenant, je pouvais pas parler. C'est un motard. Maintenant, il a un blouson en recul, ouais. Le mec. Je suis un autolibeur. Ouais, et il a une tête en balai brosse. Et ça, c'est beau, ça. On sent qu'il est dans son élément, quoi. Ah ouais, là, ça, c'est sûr. Ah, le caca, c'est ça. Il est dans une bassine pleine de caca. Bon, bah, merci beaucoup, Bilal, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Comme une merde au fond des chiottes. À bientôt. Ciao à toi, Bilal. Ciao, ciao. Bon, allez, retour avec Stéphanie, Magali et Olivier. Alors, désolé, on est un peu en retard, les filles, là, Magali. Magali ? Oui, Michel. Ça va bien, Magali ? Bien, et toi ? Impec. T'as le temps d'écouter Calvin Harris et Summer et je te reprends juste après. Y'a pas de soucis. Bon, c'est cool. Pareil pour Stéphanie, pareil pour Olivier. Bougez pas. Je vous reprends juste après le son de Calvin Harris avec Summer. Il y a Jean Labouette aussi qui dit on envoie des collègues de la CDI Paris pour Toff pour l'histoire du plantage de matraque. Ouais. Mais de la bac. Ça, c'est bon, ça. Nico également qui dit je vous écoute depuis lundi et je suis au taf avec vous. Attends, c'est quoi? Je suis au taf avec vous, ça passe plus vite. Je kiffe. Cool, Nico. Bah, bienvenue à toi. Et c'est bien qu'il y a tous les jours des petits nouveaux qui débarquent là. Bah, soyez les bienvenus, hein. Si vous vous êtes enfin rendu compte qu'avant vous écoutiez une radio, enfin la radio peu importe, mais des émissions en bois, sachez qu'on est là maintenant, on est là pour vous, on est là pour se marrer, on se prend pas la tête et on est en mode pépère. Voilà, il y a la petite fée aussi qui dit coucou mes amours, désolé du retard. Bah bravo la petite fée, hein. Ah bah il est jamais trop tard. C'est-à-dire que là on est bientôt à la fin là. Et Simon qui dit étoffe le rire d'alcoolo. Jonathan aussi, ça fait longtemps que je vous écoute, ce serait possible d'avoir un message de bienvenue, bien corsé également. Allez hop, c'est parti. Toi aussi tu veux un message bien corsé, Jonathan. Alors je vais t'en mettre un. Bien corsé. Alors attends. Parce qu'ils sont pas classés par corsé ou pas corsé, hein, mais je crois que celui-là il est pas mal. Alors attends. Ouais, c'est ta mère, hein. Je te fais bander moi. Je vais t'inculer. Je vais te montrer comment tu vas bander. Au grand chapitre. Voilà, il était pas mal celui-là aussi. Et Johan sur l'application Mickaël No Limite. Salut l'équipe, on est resté à 5 coincés 16 heures dans une grotte. Oh la violence. La question c'est que foutiez-vous dans une grotte? C'est ça la grande question évidemment. Allez, c'est Calvin Harris qu'on écoute maintenant. Le nouveau c'est Summer sur Fun Radio et retour avec tout le monde et les derniers appels de Toff juste après sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. And I met you in the summer. Des Fun Radio avec Calvin Harris à l'instant, c'était Summer. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel injusticier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limite. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct avec Polo contre le reste du monde qui débarquera dans une petite vingtaine de minutes. Ouais. Si vous avez envie de participer à cette grande émission, à votre écoute, qui est là pour vous conseiller, qui est là pour vous écouter en fait, hein, c'est ça. Hein, c'est bien résumé, hein, où vous êtes accueillis comme si vous étiez de la famille. Ouais, c'est ça, je vous aime. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas, appelez maintenant 01 42 48 5000. Il n'y a pas beaucoup de place, donc profitez-en. Et pour la Belgique, 02 851 4 x 0. Je l'avais promis, on va récupérer Magali avec nous d'Avignon. Mag, est-ce que tu es là? Oui, je suis bien là. Bon, avant de faire les autres appels avec Toff dans quelques minutes, là, grâce à Cameron Diaz qui nous a donné cette magnifique idée. Cameron Diaz, donc, qui a dit, encore une fois, que toutes les filles avaient un côté bi en elles. Ouais. Il semblerait donc. On appelle les gens depuis tout à l'heure pour leur demander. Pour l'instant, ça se passe pas très bien. Hein. Non, c'est dire les choses. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et toi, Magali, justement, comment ça se passe? Bah, écoute, moi, c'était au départ, moi, j'étais hétéro. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Et après, moi, j'étais avec un gars. Mmh. Et ensuite, j'ai rencontré ma copine. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Hein? Tu te touches? Je rigole parce que voilà, donc ça m'a touché. J'ai été attirée. Elle t'a touché, voilà. Aussi. Exactement. Vous êtes touchés. On s'est attirés mutuellement. Nous nous touchons. Allons. Voilà. On s'est attirés mutuellement. Et voilà, ce qui devait être fait a été fait. Et après ça, bon bah je l'ai quitté. Je suis passée à un autre mec. Ah ouais, toi tu sais, un mec, une meuf, un mec, une meuf, c'est l'alternance, c'est pour pas être toujours avec la même chose, quoi. Non, après je suis passée à un plan cul, on va dire ça comme ça. Je suis passée à un plan cul avec une meuf. Mais t'avais un mec officiel à côté? Non, je l'ai laissé le mec, de côté. Je l'ai quitté carrément. Ah donc maintenant, et maintenant tu utilises que les meufs? Après j'ai eu mon plan cul avec une meuf, qui s'est très bien passée. Ouais. Et après je l'ai quitté elle aussi. Et aujourd'hui, je suis en relation stable avec ma copine. Non. Il se bouffait à la chatte. Mais oui, exactement. C'est oui. Comme dans les contes de fées. Pour résumer, elle vécure heureuse. Il était une fois. Elle vécure heureuse. Et ah ouais, bah c'est bien. Donc aujourd'hui, t'es quoi? T'es toujours bi ou t'es officiellement Je me considère bi parce que je sais pas encore. Ouais, si tu vas faire ta vie avec elle, quoi. Non, parce que elle aussi est bi. Ouais, je précise, elle aussi est bi, donc non, on sait pas. Et puis c'est chiant de tondre la pelouse tout le temps, quoi. Voilà, exactement. Vous êtes toutes les deux bi, vous faites des trucs à quatre avec des mecs des fois ou pas? Bah, pourquoi pas trois. On va dire ça comme ça. Ah, trois ou quatre, c'est un peu beaucoup. D'accord, ok. Ah putain, un mec et deux meufs, il doit être content le mec. Hein. Vous avez jamais pensé à faire un truc avec moi? Je suis une star de la radio, vous savez. Ah bon? Mais Magali. Polo contre le reste du monde. Ouais, c'est combien mesures-tu? Pourquoi pas? Moi, je mesure 1m69. Combien pèses-tu? C'est ma taille préférée. C'est ma taille préférée. Mmh. Alors, combien pèses-tu? D'après toi. Je sais pas, 69 kilos? 59. Ah, 59, merde. C'est pas mal. Quel est ton tour de poitrine? Ah, c'est pas beaucoup, ouais. C'est pas grave, ça reste entre nous. Ça reste entre nous? 90A. Génial, j'adore. Ah. C'est bien quand il y en a pas. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ça va, ça te plaît là? Oui, ça me plaît. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Il en bafouille. Je suis en slim. D'accord, mais ça fait combien en slim? Bah... 34, 36? 38. Ah, 38 quand même. Non, on est bien là. Allez. Musique ou pas? Ouais, allez, musique. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la lesbienne. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la lesbienne est bonne. La lesbienne est bonne. Elle bouffe de la chatte, mais elle est très bonne. Tof, t'es vraiment un connard. C'est vraiment un dégueulasse, Tof. Tu reprends ma voix, Tof. Allez, dégage. Voilà, une minute. Non, et aujourd'hui je précise, c'est l'anniversaire de ma copine. Non. Et j'aimerais... Attends, musique d'anniversaire. Justement, je voudrais que tu l'appelles. Ah, tu veux qu'on l'appelle? Attends, on va l'appeler. T'as déjà filé le numéro à Sandro? Oui, j'ai passé le numéro. Ah, tu lui as passé le numéro? Bah alors attends, on va l'appeler. Comment elle s'appelle, elle? Jessica. Oh putain, c'est dommage, je t'en fais justement suspendu d'antenne. Mais ça lui apprendra à faire de malin, à prendre la voix de ses collègues et à dire exactement, de la merde. Exactement, oui. Bon, allez, on appelle Jessica. Tu lui parles ou je lui parle? Je t'en prie, parle-lui. Ah d'accord, ok, très bien. Oh, c'est bon ça, deux lesbiennes. Tof, il rate des trucs, ce connard. Ah ouais, là, c'est con. Ouais. Il veut faire le malin, tu vois. Ouais. Suspendu. Meuf, elle va demander pourquoi j'appelle avec un chrono derrière. Elle décroche pas là. Ouais, j'espère qu'elle va décrocher. Merde. Il y a de la chance, ce connard. Ouais. C'est où la sonnette là? Merde, j'ai pas entendu ma sonnette. Qui m'a piqué ma sonnette? Bonjour. Vous êtes en orange. On laisse un message ou on rappelle encore un coup? Attends, tout ça pour ça. Réessaye de rappeler, réessaye. Attends, je vais essayer de rappeler encore un petit coup là. Allez. Mais c'est dingue que j'ai perdu mon réveil. Ma petite sonnette de réveil. Qui m'a piqué ma sonnette de réveil? Moi je sais qui c'est, mais je donnerai pas de nom parce qu'après on va m'accuser d'être un peu. C'est tough. Voilà. Alors on m'a piqué, hein, c'est un truc de ouf. Allons. Voilà. Voilà, c'est bon. Tof peut officiellement revenir. Ah, c'est mort, hein. Ah, je suis déçu. Ah bonjour. Laissez-moi. Bah oui. Je me voyais déjà tout votre message après le bip. Quel âge elle a? Oui. Elle a 29 ans aujourd'hui. Oui, Jessica. Ah. Bonjour, Jessica. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à ma petite Gwyn préférée. Voilà. Déjà c'est quand même de ma part qu'elle passe à la radio quand même. C'est sur la chanson. Voilà Jessica, 29 ans, comme c'est beau. Et toutes ces chattes à bouffer encore. Ah, c'est magnifique. Bon, ben, bon anniversaire Jessica. Bon, écoute, Magali nous a proposé de faire un plan à plusieurs. Donc, ouais. Bon, bah, tu nous rappelles à l'occasion. Hein. Je te file mon numéro, donc 01 42 48 5000. En revanche, après 2 heures, je dors. Hein, donc, on va rappeler plus tard à ce moment-là, quoi. Bon, ben, salut Jessica. Et puis, bon anniversaire encore. Un gros bisou, ma petite lesbienne préférée. Hop là, voilà, message passé, Magali. Merci, je te remercie. Mais écoute, avec grand plaisir. Salut à toi. Et t'as vu, Tof, on l'a tenu en laisse. Hein. Ouais. Ah oui, mais en même temps, elle était pas là. Tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît, avec ton t-shirt collector? avec mon t-shirt collector, c'est-à-dire. Exactement. Avec un t-shirt Fun Radio, s'il te plaît. On va essayer de trouver ça. On va essayer de te trouver ça. On va noter ça. On va essayer de trouver. Mais dis pas non, Sandro, on va trouver un t-shirt. Elle me fait non, c'est pas possible. Non, c'est pas que c'est pas possible. C'est moi, j'en ai pas en stock. Ah non, mais on va en trouver. T'inquiète. Moi, j'ai le bras long à la com. T'inquiète. Bon, on va noter ça et puis on va essayer de trouver ça. T'inquiète, Maya. Super, merci. Allez, Toff te dessinera une chatte. On voit une grosse chatte. Bon, salut à toi Magali, gros bisous. Salut, gros bisous. Ciao. Il y a également Olivier avec nous. Salut Olivier de Brest. Allô. Allô. Allô Olivier. Ah bah c'est le breton, hein, Brest à Tao. Ah bah oui, la voix est tout de suite beaucoup moins sexy. La voix est tout de suite beaucoup moins sexy que celle de Magali, hein. Ah bah c'est clair, bah, ah bah ouais. Oui, bouton, bah, désolé, je suis con, bouton tête de con. Ah bon. Bah oui, et t'as Andreas qui dit quel enculé ce polo là, il balance Toff alors qu'il a rien dit. Merci. Ah bah oui, non mais je sais, il y a Rona aussi qui dit vous êtes trop super les gars, je vous écoute depuis pas très longtemps. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah évidemment. Je te mets de l'acide dans ton cul moi. Voilà, et DJ Coma qui dit Toff, il a un côté fils de pute. Oh c'est pas bien DJ Coma, c'est mal. Je veux m'aider, j'ai toujours aimé les amis moi. Ah bah tant mieux Olivier. Bon, Olivier oui, c'est moi, oui. Oui, dis-moi, Olivier, tu les appelais parce que tu voulais parler des billes, toi. Bon, voilà. Donc, si tu veux, moi, il y a... Tu vois, j'ai 43 ans le 19 avril. Non, comme moi. Oh. Enfin, j'ai pas 43 ans, mais le 19 avril aussi, hein, c'est mon anniversaire. Oh, nom de Dieu. Ah oui, oh là là, dis donc. On est des bons béliers. On est des bons béliers. Voilà, c'est les meilleurs. Exactement. Voilà. Donc, je te dis, il y a 2 mois de ça, je suis sorti avec une fille. Ouais. Bon, comme il arrive à tout le monde de sortir avec des filles ou des mecs avec des mecs ou comme Magali avec une femme. Enfin bref, tout est possible quoi. Les Bretons ne jugent personne. Voilà. Bon, c'est pas comme les Sarkozy qui dit j'aime pas les Bretons, j'aime pas la Bretagne. Mais nous, on sait pas où c'est, il sait pas où c'est. En plus. On parle pas politique à la radio. Voilà. Donc, voilà. C'est toi qui nous lance. On parle de Nick, c'est mieux. Et voilà. Alors, vas-y. Vive l'amour. Et toi? Et vous êtes. Et là, c'est de franchement. Et aussi. Parce que ça fait partie de l'amour. Donc, ça va être long là. Et la meuf, je la croise, il y a 2 mois de temps. Ouais, ouais. À peu près 2 mois quoi. Mm-hmm. Tu la croises où exactement? En discothèque. On s'en fout. Ah, en boîte discothèque. C'était au Sky, long, comme les Bretons boivent du Sky, comme de la bière et tout. Ils voilà. De l'eau aussi. Va droit au but, Oh, on est où? Et donc, la meuf, elle vient me voir, mon pote, il arrive avec elle. Déjà, on dit tiens, oui, tiens, Sophie. Sagesse et clarté, ça veut dire. Oh, tu vois, on se pense en hébreu, je sais pas quoi, comme Emmanuel Valls veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire ça. Emmanuel, droit au but, Dieu, droit au but. Ouais, oui, bon, vas-y, vas-y. Moi, je vais droit au but. Droit, et mon pote meurt. Et la meuf vient de plaire. On sort ensemble. D'accord. On boit un verre, t'as vite fait, et on s'en prend. Et on s'en prend, et plus les autres de verre. Hein. Donc, ça a duré 1 mois et demi. Ouais. Et un jour. Tu veux rester 1 mois et demi dans la boîte? Non, pas dans la boîte de sardines, bordel de merde, on n'est pas des douanistes, on est des Bretons. Douanistes, c'est les... Enfin bref, je sais pas si tu connais plus sur la Bretagne. Oui, là, je connais parfaitement. Voilà, mais alors, droit au but. Voilà, droit au but. Je ne connais rien, mais c'est pas grave, c'est pas le moment. Donc j'arrive, tant que je l'embrasse... À votre avis, combien de verres il a déjà bu, là? Ouais. On a fait sa maison ensemble, toi. D'accord. Son père, son âme, maintenant. Ouais, on a fait toute la maison ensemble. Et après? Et après... Après, il lui a refait la déco à l'intérieur. Et un jour, soirée chez mon pote. Donc, j'étais content d'avoir une copine. D'accord. Et nom de Dieu, j'étais là, putain. C'est pas possible. Le calme dans la maison, parce que la soirée, il était quoi, 5h30 du matin. Donc, tout le monde était fatigué. J'arrive. Nous aussi. Et j'étais endormi sur le canapé. Oui. Je monte à l'étage, dans la maison de mon pote. Tu vois, il y a 3 chambres. Et je vois les deux. Les deux fées. Il fait du logis en train de se... Ah voilà. En train de jouer aux escargots. Oui. Nom de Dieu. Elles en mettaient partout, les cochonnes. Non, mais comme ça. Il y avait une... Les jambes écartées. L'autre, elle était en train de faire le minou. Ouais. C'est normal, c'est le concept. Hein. Et moi, j'arrive... Nom de Dieu. Et la lumière allumée, en plus. La petite lampe de chevet allumée. Je regarde ça aussi. Bah, c'est pour voir où elles vont, quoi. Mais attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'était ma chambre. Non, qu'est-ce que t'as fait? Bah, moi, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis rentré et j'ai dit qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'a regardé et l'autre m'a regardé. Attends, t'en fais le bruit de minou. Ah oui. Voilà, le bruit des roues, le bruit de gazon. Voilà. Et elle m'a regardé. Viens pas nous emmerder, tu nous déranges. Ah bah. Ah, c'est le bienvenu, quoi. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai baissé mon froc. J'ai dit, moi, j'ai peut-être le droit de dormir ici aussi. J'ai baissé mon froc, j'ai enlevé. Je me suis mis entre les deux. Franchement, j'ai envie de dormir. Vous me cassez pas les couilles. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont barrés. Elles sont redescendues dans le salon. Et elles ont fini. Moi, j'ai regardé comme un con. J'ai dit, ma mère, je m'attendais à voir quelque chose de beau. Elles me disent, bon, allez, après tout, on va faire. Non, non, elles sont parties. Elles sont descendues dans le salon. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Elles sont barrées, tu nous casses les couilles, qu'elles nous ont dit. Des gens, j'ai dit, t'as pas de couilles. Toi, un peu énervé, quoi. Un peu, elles ouais. sont barrées et elles ont dû recommencer leur cirque en moi. J'ai même pas envie d'aller voir. Ouais. Et j'ai dormi, voilà. Et donc, toi, t'as deux meufs qui sont en train de se chauffer et toi, tu les dégages pour dormir. Attends, il y en avait une qui était normalement. J'étais avec elle. Ouais. Comme quoi, tu parlais de trucs de femmes qui s'aiment entre elles. Mais c'est vrai, ça existe. Ah bah bien sûr ça existe. Mais on n'a pas les jugés. Et moi je me suis foutu au pieu, bordel de merde. Entre les deux, elles sont barrées parce que je les ai vexées, voilà, j'ai cassé leur plan. Elles sont redescendues les meufs. Moi j'ai tellement cuit, toi comme un breton, j'étais que de pelle. Comme là, hein. Et j'ai même pas envie d'aller voir ce qu'elle faisait. Et voilà, ouais, tu nous as cassé notre plan, sale con, tout. Et du coup c'est fini, ouais, tu as plus de nouvelles d'elle. Ah bah si, je la vois encore, je la vois parce qu'elle habite mon bled. Ah d'accord. Ah oui, et donc voilà, je dis bon, après tout, elle est comme ça, et maintenant elle est avec, alors qu'elle avait ah d'accord, donc tu l'as rendue Gwyn. Elle est devenue Gwyn. Non. Oh là là là là là. Oh le bordel. Mais les filles, tu les vois. Elles sont ensemble, elles ne cachent rien à personne, elles vont dans les bars. Bah, c'est bien, elles vivent bien, tant mieux, c'est bien, genre. Ah bah très bien. Et donc, tu vois, moi je suis. Il faut pas juger. Tu vois, faut pas juger. On vient sur la Terre. Voilà. Voilà, on est but. Là, je pense qu'on a dépassé le but là. Ouais. Et après, bon, c'est bon. Eh ben très bien. Eh ben merci beaucoup en tout cas, Olivier. Eh ben moi, je vais te dire un truc, Michael. Oui, Oliver. Par contre, tu vois l'histoire des cols là, des trucs que tu fais là. Des cols. Oui, la colle. Voilà. Moi, j'en ai une. Vas-y. Personne ne la trouvera. Et je vais pas te la dire, sinon tu vas trouver. Enfin, je peux te la dire. T'as raison, garde-la pour toi. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, on te reprend lundi, comme ça tu feras la colle. Voilà. Ouais, voilà, mais comment il faut faire pour faire la colle? Eh ben, je te repasse Sandro et tu lui demandes. Elle va t'expliquer. Oh voilà. Là, Sandro, elle est pas lesbienne. Ah non, enfin j'en sais rien. Si elle est lesbienne, je m'en fous. Moi je prends tout. Eh ben, parfait, bah, écoute, alors je te la repasse. Et vive la Bretagne. Je prends les canons comme les tons. Eh ben, parfait. Eh ben, France, il vient. Et vive la Bretagne. Et vive la Bretagne. Exactement. Parfait. Bah, pareil, toi-même. Eh ben, pareil. Dans la joie et chasser l'amorosité. Tout à fait. Bon week-end, Olivier. Je te repasse Sandro là maintenant. On fait les derniers appels de Tof juste après. Ah. On aura également Stéphanie du coup pour terminer. Et puis vous en direct, hein, si vous voulez nous appeler pour passer dans Polo contre le reste du monde, ça se passe au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. C'est Stadium X qu'on écoute maintenant. Hole at the Moon. Le son de Stadium X à l'instant sur Fun Radio, c'était Hall at the Moon. Allez, c'est parti, on fait les derniers appels de Tof. On aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et donc Cameron Diaz donc, qui a dit que toutes les femmes avaient un petit peu d'homosexualité en elles. Oui, qu'elles avaient envie d'exprimer ou pas, mais qu'elles avaient toutes des tendances lesbiennes. Voilà, et avant de se faire Polo contre le reste du monde, eh bien nous allons faire le dernier appel maintenant. C'est parti. Allons-y. Allez, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Continuez d'ailleurs à le faire si vous le souhaitez. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Et pourquoi? Ben en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà eu des tendances homosexuelles. Non, mais surtout pas abruti. Elle se raccroche au nez elle-même encore une fois. Hein. Abruti, voilà. Bon, on rappelle. C'est moi. Bah oui. Allez, je fais pas abruti. Bon, allez hop, on y retourne. Oui, madame, faut pas le prendre comme ça, c'est pas gentil. C'est pas madame, c'est monsieur. Ah, monsieur, non, parce que j'étais en communication avec votre femme et on a été coupé. Bah oui, elle a raccroché, ouais. Bah oui, mais ça se fait pas. Arrête de déranger les gens, vous avez vu l'heure qu'il est? Va au bois de Boulogne ou mets-toi sur le trottoir, connard. Oui, mais c'est pas. En fait, je voulais juste savoir si elle avait déjà eu des expériences homosexuelles. Vous en avez eu, vous? Bah non, mais je vois pas le rapport. Alors, occupez-vous de votre cul. Bah oui, mais moi je veux savoir si votre femme elle en a eu, monsieur. Moi je vous demande quelque chose, moi. Bah non, vous m'avez rien demandé, mais c'est moi qui vous appelle en même temps, monsieur. Eh bah oui, on en a rien à foutre. T'oublies le numéro, puis voilà. Oui, mais vous avez pas répondu à la question. Connard, oui, mais. Il y a pas de boulogne autrement, tu saurais pas là-bas, on t'attend, connard. Oui, mais je vois pas le rapport, madame, avec ma question. T'en manques, t'as trop toi, hein. Non, mais je suis pas en manque, je vous demande juste si vous avez déjà eu des vues sur une autre femme. moi, je vous retourne la question, vous en avez déjà eu, vous? Sur d'autres femmes? Ah oui, beaucoup. Ah, parce que vous avez des relations homosexuelles avec d'autres femmes. Vous êtes bizarre, vous. Mais non, parce qu'en fait, moi, j'ai demandé à votre femme si elle avait déjà eu des vues sur une autre femme. Parce qu'en fait, c'est Cameron Diaz qui l'a dit. Elle a dit que toutes les femmes avaient des tendances un peu lesbiennes. Et donc, du coup, je voulais vérifier avec votre femme. Ah bon? Et bah, vérifier avec la vôtre, alors, je sais pas. Mais moi, j'ai pas de femme, monsieur. Ah bon, vous avez pas de femme? Alors, je sais pas. Bah, elles sont pareilles. Ça m'étonne pas. Aller au Queen, je sais pas, moi, aller au bois de Boulogne, je sais pas, faites quelque chose, mais je dirais, voilà, quoi. Oui, mais ça répondra pas à ma question. N'appartenez pas les gens à cette heure-là, surtout pour des conneries comme ça, quoi. Oui, mais ça répondra pas à ma question, tout ça, monsieur. Bah, vous faites un autre numéro, peut-être qu'il vous répondra. Ah oui, vous pensez que ça peut se faire? Ah, ça peut se faire, oui. Bon, bah, je vais essayer un autre numéro, alors. Voilà, allez-y. Hein? Mais je serai quand même vers le Queen, tout ça. Ah d'accord, bah écoutez, je vais aller voir au Queen, alors. Ouais, voilà, ouais. Bon, parfait, bah merci, monsieur. Vous, je pense que pour vous, c'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Bah merci du conseil, monsieur, hein, c'est très gentil, même si vous m'en foutez. Ouais, bah surtout un grand chaud. Ah putain, la mémère derrière là. J'adore. Xavier qui dit top au bois de Boulogne, excellent là. Et alors les Beefreaks qui dit j'attends toujours de recevoir mon caleçon de teuf, je me languis. Mais comme on a cru que t'étais décédé, on t'a un peu envoyé du coup, les Beefreaks, mais maintenant on va pouvoir l'envoyer. Je vais le porter tout le week-end et tu l'auras lundi. Et puis avec Toff, on a vomi deux fois quand on a vu ses cheveux violets. Quelle horreur. Bon, allez, 1h55, tu parles de qui? Les cheveux violets de Lady Beefreaks? Ouais. Ah, j'ai pas vu. Elle a les cheveux violets maintenant. Elle a encore changé de couleur. Ouais, elle était orange, elle était Fanta, mi-Fanta, mi-Orangina. Ouais. Et puis elle a fait tout Fanta et maintenant elle est en violette. Ah d'accord, ok. Ouais, bah, je vais aller voir. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas encore vu, très bien. Bon, allez, 1h55 sur Fun Radio, on va terminer avec Stéphanie et puis Polo contre le reste du monde. Steph qui est avec nous également, ça va Steph? Merde, attends, c'est ma faute. Hop là. Ça va Steph? Ça va, merci vous. Ça va, tranquille. Bon, alors on parlait des relations bisexuelles, là, comme Cameron Diaz le disait. Toutes les filles ont une tendance homosexuelle à l'intérieur. Et chez toi, comment ça se passe? Bah ça se passe très très bien. J'adore ça, merci, moi. Au revoir. Une femme, etc. De quoi? T'as pleuté les nichons. Ouais, t'as bouffé de la chatte. Eh, dis-moi, on s'est croisé à nos... C'est à nous. Où c'est qu'on s'est croisé? À Noyon. À Neuilly-les-Mines. À Neuilly-les-Mines. Et la fille avec les yeux bleus, la danseuse, là, vous avez eu un truc ou pas, Stéphanie? Une grande fille mince. Ah, ça ne te regarde pas. Ouais, le patio, ouais, donc ça répond à oui, ça. D'accord, tu as bouffé la chatte. D'accord. Bravo, eh. Eh, bah, très bien, voilà, mais c'est bien. J'applaudis les deux couilles. Ouais. Et Polo aussi a bouffé une chatte, là, il a un bouton de fièvre sur la lèvre. Écoute, faut faire gaffe où tu mets tes lèvres. J'ai décidé, pour vous faire plaisir, parce que je sais que toi, je vais essayer de bouffer une chatte très prochainement. Ouais, tu t'as qu'à bouffer le cul de Toff. J'ai pris, je suis parti voir mon médecin, mon allergologue tout à l'heure. Oui, mais j'ai l'allergologue, je voudrais faire acculer une meuf, est-ce que je peux ou pas? Il m'a dit sors d'ici salopard. Non, et j'ai pris du Zovirax. Donc pour les gens qui connaissent, ça va m'empêcher d'avoir du. Ah bah la bonne heure. Donc je goûterai ça et je vous dirai quel goût ça. Nous voilà rassurés. Bon, et bah très bien, encore un truc à ajouter, Steph? Non. D'accord. Toi, je suis un con, mais à part ça, ça va. Oui, mais ça, après, tout le monde le sait, y a pas de problème. Bon, ouais. Bah merci, Steph, en tout cas, d'être passé. Tu reviens quand tu veux, hein. Bah plus tard. Ça roule, à bientôt. Et bon week-end à vous. Merci, toi aussi, à bientôt, ciao. Bisous, à toi. Tata. Allez, c'est parti, Polo against the rest of the world. Et puis juste après, évidemment, nous aurons la chance d'avoir le résultat du Top Tweetos. Oh, ça y est, 1h57, l'heure du crime. L'heure de Polo against the rest of the world. Rappelons que cette émission n'est pas connue des responsables de la radio. Donc on va continuer à la faire comme ça sous le manteau. On est voilà. Un peu des révolutionnaires. Exactement. Donc ne vous inquiétez pas, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite avec Loïc. Loïc, je t'écoute. Allô, ici Sergent Loïc, j'espère que vous avez bien reçu le message. Loïc, on s'en fout. Marvin. Ouais, hey, t'es le roi de la vanne hier. T'es le roi de la vanne, toi. Non. Si, hier t'es passé, avant-hier. Non. Marvin, arrête de faire l'idiot, t'étais Marvin. Non, j'étais la vieille vanne. Marvin, t'es passé ou pas? Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, tu m'avais dit de repasser justement si j'avais des meilleures blagues. Et je t'ai dit quoi? Si tu n'es pas drôle, tu es banni à vie. Oui. Donc réfléchis un peu. Roger. Polo. Ouais. Je t'appelle parce que je voulais te raconter une histoire. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, tu vois, vous parlez dans l'émission d'avant avec... Ouais. Salut, Michael. Ouais, voilà, c'est ça, le tocard. Ouais. En fait, il expliquait que... Allô. Ouais, attends deux secondes, là. Non, parce que ça sonne, alors du coup, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Que j'ai fait de la merde. Ah oui, d'accord. qu'est-ce que tu disais? Parce que je me souviens plus. Ah oui, donc j'appelais pour dire que, en fait, j'avais écouté l'émission d'avant avec le mec, là, comment il s'appelle? Attends, Kevin. Oui. Oui. Oui, Polo, je peux te demander un truc? Ça dépend. Bah, juste... Attends, est-ce que c'est sexuel? Non, rien à voir. Est-ce que c'est animal ou végétal? C'est animal. Bon, alors casse-toi. Thomas, 18 ans, parentis en borne. Oui, Polo. Ouais. C'est dans les Landes, hein? C'est ça? Hein? Dans le 40? Ouais. Ouais. Je t'écoute. Oui, t'as déjà eu des tendances homosexuelles? Ah, jamais. Attends. Allez, on est dans Polo qui est entre le reste du monde. Pas de langue de bois, on est là, on se dit tout. Que des langues de pute. Thomas, on se dit tout ou pas? Oui. Eh ben, tu sais quoi? J'ai eu de l'homosexualité envers moi-même. Tu sais que le matin, quand je me vois dans le miroir, je me touche et j'ai une érection. Je m'aime, voilà tout ça. Alors Loïc, le retour, je t'écoute. Espèce de petit frère de la dissident, est-ce que tu vas bien vouloir répondre à mes messages à la fin? Qu'est-ce que tu veux, Loïc? Je veux que tu répondes clairement. Est-ce que tu as vu les petits papillons aujourd'hui? Non. Marvin. Oui, donc je prends vraiment le risque. Non, réfléchis. Parce que, Marvin, je t'aime bien en fait. Tu vois, comme je t'aime bien, j'aime bien que tu participes à Polo contre le reste du monde, donc réfléchis. Roger. Ouais, alors bon, non, je te disais. Ouais. Je te disais que, donc, j'avais écouté l'émission d'avant. Hein, avec le mec là, comment il s'appelle déjà? Milk. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de la merde, moi j'ai pas. Espèce d'idiot, c'est Michael, pourquoi tu me dis oui? Alors je te piège et toi tu dis oui? Ah bon? Pauvre con, va. Kevin, de 18 ans, Antibes. Antibes, voilà, c'est toi qui t'en vas. Écoute-moi, 06. Oui, 06, écoute-moi. Ça fait 2 mois que je vous écoute. Ouais. Et c'est qui le mec là, on dirait un cheval avec les cheveux blancs là, qui présente avec vous? Un cheval? Il y a Michael, il y a toi et l'autre là, avec les cheveux blancs. Ah, c'est la brosse. C'est le balai à chiottes. Ah, c'est le rocker. Ok, c'est on dirait un cheval. Ah bon? Avec sa petite voiture électrique là, on dirait un cheval. Je sais pas qui c'est. Thomas. Ouais. Je t'écoute. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Non. Parce que physiquement, tu m'attires, tu sais. tu sais que t'es sérieux là ou t'es sérieux? Ouais, je suis pas sérieux, je rigole. Allez, casse-toi, espèce de bouffon, je t'ai fait un petit plaisir là, Thomas. Hein. T'as kiffé l'espace d'un instant, hein. Loïc. Conclusion. C'est qui tous ces gens autour là? On va terminer le Polo contre le reste du monde, je t'écoute, vite. C'est qui tous ces gens là? Ça te regarde pas, dégage. Kevin, 18 ans, Antibes, 06, Alpes-Maritimes. T'as voulu me répondre, enculé que tu es, au PD que tu es, au baltringue que tu es. Je vais venir, je vais t'enculer, baltringue que tu es. Tu connais tous les amis de taf ou quoi? Ah mais je vous kiffe, hein, je vous aime, nous aussi, Kevin. Ah t'as été coupé, mon grand. Au baltringue que tu es. Au baltringue que tu es. Au PD que tu es, enculé. Jean-François. Allez, hein. Allez, Kevin. Ouais. Fous le camp. Thomas. Moi, je voulais. Oui. Je t'écoute, tes conclusions, Thomas, ouais. De Polo contre le reste du monde. Moi, je voulais dire. C'est super. Ok, merci, allez, dégage. Et pour conclure, Marvin. Ouais. Et tu sais quoi? Non. Tu reviens dimanche. Non, lundi. Lundi? Ouais, lundi, prépare ta vanne et tu l'as fait lundi. Je te laisse un week-end. Non, c'est pas vrai. Ah si, je te laisse un... D'accord? C'est qui le squatter? Je te laisse un week-end, Marvin. Oui, mais je veux savoir qui c'est le squatter. Ça te regarde pas, allez, non, dégage. Non, c'est pas vrai. Allez, dégage. Roger, pour conclure, s'il te plaît. Déjà, parce que je t'ai pas raconté mon histoire encore. Ouais, mais en fait, tu veux que je t'explique, tu veux que c'est la vérité. On se dit tout dans Polo contre reste du monde, on se ment pas. Pas de faux semblants, pas d'enfume, pas d'esprit. Non, mais d'accord, mais je m'en branle. Je veux bien que tu me dises des trucs, mais d'abord, je te raconte mon histoire. Je m'en branle de ton histoire. Roger, j'en ai rien à faire. Non, mais parce que Polo, moi, j'aime bien ton émission. Tu vois, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est vachement bien. Merci. Tu vois, non, parce que c'est chouette, donc ça m'en. Tu vois, j'aimerais bien te raconter mon histoire. Bon, bah, tu conclus. Bah ouais d'accord mais parce que non mais en fait. Vas-y moi, à la fin, vas-y fais-moi la fin. La fin de quoi? La fin de l'histoire. Bah la fin de l'histoire en fait c'est que la meuf avec qui j'étais allé, parce que donc on était dans une soirée. Ouais. Et donc là en fait moi tu vois normalement je devais dormir dans le lit, mais du coup je m'étais endormi dans le canapé, tu d'accord. vois. Et donc à 5h du matin, donc du coup je me réveille, tu vois, mais il n'y a plus un bruit dans la maison. Ouais. Donc là je me dis bah qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce c'est que la fin ça Roger? Bah ouais c'est la fin. Voici c'est la bite du chien, toi Gorgon. Non parce que en fait la meuf avec qui c'était, c'est pas le chien qu'elle a sucé. C'est hein. Bon Roger, que... vas-y tu m'as saoulé. Bah ouais mais attends, je peux pas finir de te raconter mon histoire. Raccroche-toi au nez, Roger. Ah bah non, attends, je raccroche-toi au nez, raccroche-toi au nez. Mais je vais raccrocher au nez. Raccroche-toi au nez. Non, je m'en bourre. Allez, 15-6 se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Bien sûr. Et n'oubliez pas. Nous sommes en sous-marin, personne ne sait exactement dans la direction que nous sommes là. Tout à fait. 2h04 sur Fun Radio. Allez, c'est parti. On termine l'émission maintenant avec le top tweetos, comme chaque soir. C'est parti. On va voir lequel des auditeurs a été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Et on y va. Quel est le numéro 5? Numéro 5. Alors, le numéro 5, c'est Mystique. Numéro 4. Julien. Ah, Hugo Auréole, c'est sa place. Et numéro oui. 3. DJ Comac. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Hugo Auréole. Non, je déconne, c'est Lesbi Freaks. Ah, Lesbi Freaks, d'accord, ok. Lesbi Freaks, elle a déjà gagné, elle peut pas repartir avec de nouveau. Ouais. Donc, du coup, on va aller voir le deuxième, troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'ait pas encore gagné ce sextoy offert par PassageDésir.fr. Voilà. Et puis, on va également se faire le générique de fin, bien entendu. Yo. Allez. Ferme ta gueule de merde, pas l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, t'as l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Tu vas voir, je vais mettre de la Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. Va niquer ta mère. Hein. Ah. Pidi, là. Ah. Va te faire enculer, je te fais des yeux. Je te mets de l'acide dans ton cul, mon. Quel cochon. Ils sont canadiens, ils sont tous là. Trop pédé, Cotieva. Espèce de connard. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pites, t'offres te sucer, toi l'enculé. Demande ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Et ben voilà, une de moins, effectivement. Merci à DJ Comac d'avoir été connecté. Aline également, à Anderlecht aussi, il y avait Pursuit of Happiness. Chloé qui était là également, il y avait Romès, il y avait Julien, il y avait Paul PC28, il y avait Balom, Léo également, etc., etc. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux ce soir. On s'est bien marré, on remet le couvert lundi à partir de 23h sur Fun Radio. Et puis oui, parce que dimanche, bon désolé, hein, normalement vous n'avez pas ça, mais vous allez devoir retrouver JB au contraire, oh malheureusement là là. On m'a dit merde. C'est ça, t'as pas le choix. Il sera en direct de Madrid pauvres. Parce qu'il parle excellemment espagnol. Tu hablo espagnol? Tu hablo espagnol ou quoi? Tu parles la polla. C'est tout ce qui est. Chupa la polla. Ouais. N'importe quoi. Tu diras ça en Espagne. Vulgaire quoi. Voilà. Donc, il sera là dimanche à partir de 20h à Madrid. Il y aura Adrien et Mademoiselle Luna à Paris à 20h pour faire le warm-up du Fun Radio European DJ Awards. Et puis, je vous invite également encore pendant tout le week-end à aller partager la vidéo où j'ai tenté de suivre les conseils d'Adèle. Oui, ouais. Ça n'a pas bien marché. Un auditeur, écoute, ça dépend. Il y a quand même eu 5 tentatives, 5 échecs. T'en as tenté une, t'en as réussi une. Bon, c'est ce qu'on appelle également un peu la chance du débutant. Bah oui, évidemment. Exactement. Même si je reviens encore une fois là-dessus, je pense que j'aurais pu avoir toute. C'est aussi joui là, JB, il est bien. C'est fini les deux là. Bah ouais, il y a un truc entre vous. Hein. Donc j'aurais pu avoir ma chance avec la deuxième de l'obète de bus. Mais bon, ouais, c'est donc, vrai. Vous avez tout simplement tapé Mickaël officiel, c'est sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous allez pouvoir voir ça et partager avec tous vos potes là, on est quasiment à 30 000 déjà là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé. Faut déjà partager plus. Et bah partagez encore plus. Je compte sur vous. On revient lundi à partir de 23h bien entendu en pleine forme. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. C'est parti pour Jube dans la radio. Oh, oh, oh. Bon, donc dimanche à partir de 20h, n'oubliez pas les Fun Radio européennes DJ World. Je viens de le dire. T'as ouais, mais il faut le redire aux auditeurs. On prépare une soirée de ouf. Attends, c'est sa minute de gloire. Non, bah là, c'est 5 heures de gloire. Oh là. Voilà. Non, il y aura Adrien, Miko. On vous prépare un truc de c'est ouf. Beau. On a travaillé toute la semaine. Ça va... Ah ouais, ouais. Ça va être beau. Va y avoir de la drague, va y avoir de la drague en live, des mix. Enfin, ça va être la folie totale. Oui. Voilà, Fun Radio European DJ Awards. Désolé les gars, vous êtes au repos forcé. Bah dimanche. Oui, bah c'est pas grave, on revient dimanche. On revient lundi, du coup, à partir de 23h, juste après Love in Fun. Hein. Très bien. Bah, on voilà, t'écoutera, on t'écoutera. Bah y a pas de. On t'insultera, on t'enverra plein de messages. Je vois, moi j'écouterai. Je serai en relation directe en FaceTime avec Jérôme. Ah, mais il est en Espagne avec nous. Ah, bah lui, il sera là-bas, évidemment. Bah, c'est normal, c'est son Altesse. Évidemment, c'est normal. Il a le droit d'y aller, c'est normal. Il a le droit c'est deux normal. Fois même. Nous n'avons pas été invités, je tiens à rappeler. Je tiens à grand Jérôme. On va passer une super soirée avec Et bah, lui, il va passer une bonne soirée avec toi, je sais pas. Mais en tout cas, il va passer oh, une bonne. Oh, ça va, Mickaël. Bon, allez, 2h09 sur Fun Radio. Allez. Bon courage jusqu'à 6h. Bah, je vous invite à couper la radio. Reposez-vous jusqu'à 6h. Et puis, vous aurez Bruno qui vous réveillera à partir de 6h. Voilà, ça me paraît pas mal. Écoutez la meilleure émission de toute la grille d'antenne. Non, elle vient de terminer là. Elle vient de finir là, on est déjà 9 le minutes plus tard. Le sous-chef, il va être vénère. Ah ouais, pourquoi parce que t'as dit qu'il n'y avait pas les autres émissions. La grille, t'as dit c'est non. Tu es la meilleure émission. Bah, oui. C'est pas le sous-chef qui choisit, c'est Jérôme son Altesse encore pire. Oh bravo. J'ai jamais dit le sous-chef, c'est Polo. C'est violent ce que tu fais, c'est pas c'est bien. C'est dégueulasse, c'est mal. C'est pas bien. Ton billet vient d'être annulé pour c'est Madrid. Pas bien. C'est ouais, c'est ça, c'est annulé. Bon, allez, on y va avec Folle. Folle quoi? C'est toi la folle mec. Allez, Fall One maintenant avec Changes sur Fun Radio. Et bonne nuit tout le monde et rendez-vous lundi à partir de 23h. Hey, ah ouais putain les comme génériques, j'ai oublié.